êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. François Landry nous parle des conséquences de la commission Charbonneau. On parle de la programmation de Cogeco. Et on met la barre haute avant la sortie de l'iPhone 5 dans Scénix. Tout ça et plus tout de suite. Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 20 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, City. City. City. Oh, P.S. love you, Mathieu Plante. P.S. me too, F.O. bon matin, bienvenue, François. Bon matin aussi. Merci, merci. T'as vrai, ça fait des bons matins ce matin. Hein? Tout le monde, bon matin, bon matin. Moi, c'est comme, je suis comme Oprah avec les cadeaux. Un bon matin pour toi, un bon matin pour toi, un bon matin, tu sais. J'aimerais ça pouvoir avoir un public et dire un iPhone 5 pour toi, un iPhone 5 pour toi. Toi, un Android. Ouais. Avoue, tu le ferais. Pour les gens que j'aime. Oui, non, mais tu sais. J'ai rien contre Android, absolument pas. Donc, plan de l'émission d'aujourd'hui, on va commencer le contenu vers les 7h15 dans ce coin-là pour la chronique C'est un fait. Et aujourd'hui, François, on va faire un petit kinky sexy time. Encore? Ça fait longtemps, ça fait une semaine. On est en manque. Oh! Oui, ça va couler à flot. Ensuite, vers la fin de la première heure, vers les 7h40, 50h30 et 45, on va voir CNX. On va mettre la barre haute, comme j'ai dit, pour l'iPhone 5 qui sort demain matin. Donc, je vais en parler en lisant un petit peu le résumé des critiques. Parce que les critiques ont reçu l'iPhone 5 avant les autres, évidemment. Et les critiques ont commencé à sortir et on a fait une compilation de ces critiques-là. Okay. Pour voir, en gros, la grosse image. Ça peut ressembler à quoi? Puis... Exactement. Parfait, mais là, nous autres, on veut une critique maison lundi matin. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux faire, même okay. si je veux Parfait. Pas vous bombarder d'informations à iPhone 5 à tous les jours. Mais c'est ça, on n'a pas parlé depuis la semaine passée. Là, une fois cette semaine et une fois la semaine prochaine, je pense, en masse, on va avoir fait ça. C'est génial. C'est génial. À 8h, François. À 8h, on va recevoir M. Martin Leclerc, directeur de la programmation de TV Cogeco Mauricie, qui va venir nous parler de la programmation ici de TV Cogeco Mauricie. Ça va être intéressant. Oui, j'ai très hâte d'entendre parler de toutes ces émissions-là. Et puis à 8h30, on aura François Landry et sa chronique politique Logocratie 101. Et là, François, ce petit malin félin, va nous parler des conséquences de la commission Charbonneau. Ça, c'est l'affaire avec la construction, hein, c'est ça? Ouais. L'octroi de contrat de façon douteuse et puis de l'argent blanchi. Hey boy, ça a l'air compliqué. Ouais, hein? Ça a l'air compliqué. Moins compliqué que de comprendre les proportionnels comme la semaine passée. Espérons-le. Donc j'espère ne pas avoir besoin de dessin pour comprendre. Donc c'est l'émission d'aujourd'hui, ça va être super bon comme toujours. Comme à tous les matins, comme qu'il soit bon ou moins bon, cette fois-ci c'est un bon matin. Fait que... Ce matin c'est un bon matin, hier aussi c'est un bon matin par contre. C'est frisqué. C'est frisqué, oui, tout à fait. Il annonçait gel au sol. Je regarde de pas avoir mis de petits tests. Hein. Ouais, habillez-vous ce matin. Commençons l'émission avec du Astra, François. Hey! Ok, oui. Est-ce que tu as une pièce à me conseiller ou j'y vais avec celle que j'ai choisie? Ben, ça dépend de laquelle tu as choisi, mon ami. Beat on the Pulse. Oh, ok. Sinon, j'aurais mis Lose It. C'est laquelle, celle-là? La deuxième. Ben, allons-y avec Astra et Lose It. Au 89 FM, c'est fou. Bonne émission. Le mot bon et le mot bonne, on l'utilise plus jusqu'à la fin de l'émission. Ok. I'm never losing. Avec la pièce Calgary. Excellente pièce. Que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait jouer à C'est Fou. Est-ce que c'était depuis l'hiver dernier? Je pense que oui. Ça se peut. Je pense que oui. Je pense qu'on n'a pas fait jouer hein, cet été. Pas tant, non. C'est ça, mais on n'a pas les CD de Bon Hiver. Non, jamais. C'est ça. Et on y pense pas nécessairement. C'est comme ça, les MP3, on pense jamais à ça. T'sais. Quand il faut penser spécifiquement à la pièce ou à l'artiste pour y penser. Tu n'as pas une galerie, tu sais, genre. C'est ça qui est plate. Non, pas de galerie. Pas de galerie. Donc, maintenant... Tu sais, moi, j'ai une galerie de faits. De faits? Pour vous. Donc, on va les... Véridiques, mettons. OK. Quoi d'autre? Vérifiable. Ouais. Puis l'autre? T'as peu, là. Véridique, véridien et... vérifiable. Est-ce qu'on entend, mon... Non, on l'entend pas. Tu penses? Non. On n'entend pas ça. Quand je tape sur la table, non? Non. Véritable. Véritable. Et c'était long. Ouais, c'était voici, c'est un fait. Je suis pas là, matin. Yeah! Tu es à la game. C'est un fait, donc la chronique des faits, dans le fond, de la vie. Hein? Okay. Tantôt, on va faire un quickie Kinky Sexy Time Edition. Mais avant ça, allons-y en rafale avec un paquet d'autres faits qui ne sont pas kinky du tout. Il y a 30 ans, de Carnegie Mellon, ça c'est une université, je crois, Scott Feldman a changé les communications à jamais en proposant cette séquence de caractères. Deux points, trait d'union, parenthèse. Ça veut dire quoi, ça? Deux points, trait d'union, parenthèse. Un petit bonhomme qui sourit. Oui, un petit bonhomme. Oui. Avec le nez. Oui, exact. Donc, c'était il y a 30 ans, exactement. Eh boy. Hawaiian Punch. Tu connais Hawaiian Punch? Non. C'est du jus, ça? Okay. Hawaiian Punch. Ça a été développé à la base. C'était supposé être une garniture pour les crèmes glacées. Qu'est-ce que tu mettais? Tu connais les hôtels Best Western? Best Western, ouais, les hôtels. Ouais. Ils ont commencé à s'étendre jusqu'à l'est, à un moment donné, à l'est du Mississippi, dans le milieu des années 1960. Et ces nouveaux hôtels-là s'appelaient des Best Eastern. Le nom a été un flop total, donc ils ont fini par revenir à Best Western pour tout le monde, peu importe qui soit à l'ouest ou à l'est. Et donc, à Trois-Rivières, il y a un Best Western. Ouais. Pourtant, très, très à l'est. Ouais. Motel 6, on reste dans les hôtels, motel. Quand Motel 6 a ouvert en 1962, les pièces, okay, les chambres, coûtaient 6$ par nuit. D'où le nom Motel 6. Ah. Et il y a encore des Motel 6 aujourd'hui, mais ça coûte beaucoup plus que 6$. Voilà, c'est ça, exact. Le terme, même en français, l'article est en anglais, mais les termes viande blanche et viande, on dit quoi, brune? Ouais. Viande blanche et viande brune. Ouais. Ça vient de l'ère victorienne, alors que les gens étaient trop gênés pour utiliser les mots cuisse et poitrine. Ils étaient trop gênés, okay. Donc ils ont décidé d'appeler ça de la viande blanche ou de la viande brune. C'est quand même pas pire, ça. Comme fait, moi, je vais la retenir, celui-là. Okay. Poitrine. Oh, oh, oh. C'est... Il a dit poitrine! Oh non! le nom officiel de Chuck Norris, son vrai nom. C'est quoi? C'est Carlos Rey Norris. Ah ouais? Ouais. Carlos. C'est moins viril. Hein? Carlos Rey Norris. Oh wow. Eh ben, hein? Eh ben. Chuck. Chuck, qu'est-ce que tu fais, Chuck? Julia Roberts est gauchère, est-ce que tu savais ça? Mais elle est obligée d'apprendre à écrire avec sa main droite pour jouer le rôle de Erin Brockovich, qui était droitière. Ah. Hmm. Parlons d'animaux maintenant. Les abeilles goûtent avec leurs pattes en arrière. OK. Hmm. 73%, mais non plus. 73% des Américains croient encore aujourd'hui que les chiens sont meilleurs que les chats. 73%. Meilleurs dans quel sens? Ben, dans toutes les façons, tous les sens, tu sais, sont meilleurs. Les chats, c'est paresseux, ça sert à rien, tu sais. Qu'ils disent, là. Les chiens, c'est plus intelligent, ça suit mieux tes commandes. Je t'avoue que je suis de cet avis-là. Ouais. Pas toi, hein? Ben, moi, j'aime beaucoup, beaucoup mieux les chats, mais j'avoue que côté intelligence, c'est peut-être servir à quelque chose. Au moins, écoute, moi, tu sais, ça demande la porte pour aller faire pipi. C'est ça. Les chats, ce sont de bons compagnons, mais... Ah, tout à fait. Non, tout à fait. Un a des avantages que l'autre n'a pas. C'est ça. Mais je pense que l'amour est plus du propriétaire envers le chat que du chat envers le propriétaire. Ouais. Je pense que ton chat veut te tuer, c'est ça que ça veut dire. le cri d'un hippopotame peut être entendu à plus de 1 mille de distance. Ça crie fort, un hippopotame. Non? Ben, peut-être, en fait. 36 millions de vaches sont tuées. Oh, celui-là, il est déprimant. Sont tuées aux États-Unis annuellement. 36 millions? De vaches et de petits-enfants bébés vaches. Des petits-enfants bébés vaches. Comment t'appelles ça, un enfant bébé vache? Hein? Des génisses? Ça, j'allais dire. La vision de... Celui-là, tout le monde le sait, je le dis quand même. La vision nocturne d'un chat est 6 fois meilleure que celle d'un humain. Je pense que c'est semi-connu comme fait. Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Meilleur. Je savais pas 6 fois, mais je savais qu'il pouvait voir dans le noir. Ça, je l'ai dit. Le top 8 des animaux de la ferme les plus intelligents en ordre, François. Et là, je vais te les dire après que tu aies deviné les animaux les plus intelligents de la ferme. Vas-y. 3 secondes. 3, ben, cheval? 2. Non, poule? Cheval en fait partie. Poule aussi, oui. Ouais, lapin? Lapin, non. Non? Non. Vache? Vache, oui. Oui? Oui. Chat, est-ce que ça rentre là-dedans? Oui, oui. Ça rentre là-dedans. OK. Il t'en reste pas beaucoup, là. Non. Canard? Je sais c'est pas. C'est pas canard, en anglais. Non. Pas canard. C'est pour, on dirait que j'ai plus d'idées, là. T'es presque tous eu. Donc, t'as chien en première place. OK. Ensuite, cochon. OK. Troisième cheval, tu l'avais eu. Quatrième chat, tu l'as eu. Cinquième vache, tu l'as eu. Sixième mouton. Mouton. Septième poulet, poule, tu l'as eu. Et huit, la dinde. Ah. Eh ben, hein? Pas pire, ça. Et il se base sur quoi? Ça, l'histoire le dit pas. Ah, c'est ça. Exactement. OK. Chaque crotte de chien. Okay. Bon appétit, d'ailleurs. Chaque, OK. Chaque crotte de chien. Il n'y en a pas une. Qui n'est pas ramassée. Ouais. OK. Ça attire environ 144 mouches en moyenne. Wow. Qui a fait cette étude-là? Yeah. Je vais pas le rencontrer. Tu sais. Non. L'étude des fourmis s'appelle la myrmécologie. Je vais plutôt le faire deviner, mais ça ne me tente pas. Myrmécologie. Le centipède en anglais, centipede, là. Ouais. Tu sais que ça veut dire... Le mille pattes? Ben, on appelle ça un mille pattes en français, ouais. Mais centipede, cent, ça veut dire sans pattes. Ouais. Et on n'a jamais découvert de mille pattes. Avec même 100 pattes. Donc, imaginez 1000, on n'a jamais vu non plus. Le maximum qu'on a vu de pattes sur un 1000 pattes, c'est 96. Donc, au moins... On n'est pas loin de 100, pareil. On n'est pas loin, mais il y aurait pu appeler ça un 100 pattes à la place de 1000 pattes. Ça aurait plus ouais. de sens. Ouais. 1000 pattes, ça se tient pas. Ouais. Les disques compacts, on les lit dans un lecteur de l'intérieur à l'extérieur. C'est du rond jusqu'à l'extérieur, alors qu'un disque vinyle, ça se lit de l'extérieur à l'intérieur. Bien. Fallait y penser. Il y a plus de 25 millions de bulles dans chaque bouteille de champagne. T'as pas vu? 25 millions de bulles. Qui a compté ça? Je sais pas. Hey, je m'étais pas mis de pièces pour transitionner, sûrement parce que je voulais faire une chronique plus courte. Fait que faisons une petite chanson, mettons. C'est un fait, véridique. Donc, toujours dans ce cas, il est mauvais pour chanter, pour vrai. Ça, c'est vraiment nous autres, hein? Ah, mais ça me fait tellement triper, par exemple. Eh boy. Ça, c'est ouf. Oui, moi, okay. ça m'excite. C'est ça que je trouve kinky dans... c'est un fait. Bon, donc, c'est un fait kinky, Sexy Time Edition. C'est le moment dans la chronique où on vous parle de choses de sexe, OK? Donc, on kinky. Se retient. C'est très kinky. On y va, on se censure nous-mêmes. On y va pas avec des termes trop vulgaires. T'sais, on essaie de vous garder ça relax. Tout en vous informant sur des choses communes de la vie. Tout le monde connaît le sexe. Tout le monde en a besoin, je pense. Bon. Donc, Penthouse. Penthouse, la revue. Exactement. C'était le premier magazine qui a publié de la nudité complète en 1971. Beaucoup plus vulgaire que Playboy. Exactement. C'est pour vulgaire, ceux qui aiment ça hardcore. Tu sais. Hardcore. Il y a une augmentation de la circulation autour de l'appareil féminin, d'accord, pendant ces règles. Donc, elle va avoir des... ça va être plus puissant quand ça va... Hein? Répète-moi ça, Matt. Je suis pas capable. C'est bien difficile. Il y a plus... Plus de circulation, OK, autour de son appareil. Okay? Circulation, tu parles? De sang. OK. OK. Donc, plus de circulation, elle va augmenter. Donc, son orgasme va être plus fort. Ah, OK. On se comprend là-dessus? Il y a des mots que je peux utiliser, mais des fois, j'essaie de ne pas les utiliser. Là, c'était bien. C'était bien. Rien d'explicite là-dedans. Absolument pas, absolument pas. Tirer avec un fusil à papa. OK? Ouais. Pas un fusil laser pipiou. Non. Un fusil papa. Papa. Ça cause la même réaction chimique dans le cerveau qu'un baiser passionnel. Le cerveau, c'est le même endroit qui va être déclenché quand tu vas tirer d'un fusil. Ça va te satisfaire autant qu'un baiser rempli de passion. C'est bien. Eh bien. Les gens dans les colonies de nudistes jouent à un sport plus que n'importe quel autre. Lequel, selon toi? Volleyball. Exactement. Mais pourquoi t'as deviné le volleyball? Je sais pas. En fait, je me suis représenté ça dans ma tête et puis... volleyball. Je sais pas pourquoi. Wow, t'es fort. Je m'attendais à ce que tu devines un sport avec des plus petites balles. Non? OK. La pétanque, en fait, ça aurait pu aussi. On dirait Bibi, cette bataille quand on se barre de même. Oh, boy. C'est bon. L'homme grec qui commettait l'adultère était souvent... Puni? Comment? Il était puni? Il était puni. Mais comment? Je sais pas. Dans la reine, non? Non, on lui enlevait ses poils pubiens. OK. Et on insérait un gros radis dans un orifice que tu peux te douter que si je le mentionne pas et qui me fait rire, c'est que c'est celui-là, chez l'homme. Eh boy. En arrière, c'est ça. C'est ça, cette punition. Les spasmes pelviques. Pelviques? Est-ce qu'on dit du pelvis? Je pense qu'on dit. Qui sont causés par un orgasme vont en fait faire bouger, vont faire que le sperme va monter et va aller fertiliser les œufs. C'est pour ça ce mouvement-là. Quand c'est causé par l'orgasme, ça fait que le sperme monte plus vite. Eh bien. Très bien. Une étude a découvert que faire plaisir à un homme, OK? Ouais. Mais. Sexuellement parlant. Oralement parlant. Okay. Oralement parlant. Et ensuite. Avaler. Ça peut baisser la pression sanguine chez la femme et ça peut réduire son risque. Chez la femme? Chez la femme, oui. Et ça va réduire les risques d'attraper ce qu'on appelle la pré-éclampsia. Ça doit être une maladie ou sûrement une maladie transmise, je sais pas trop quoi. Eh bien. Non, sûrement pas transmise parce que ça n'a aucun rapport. Hein. Pré-éclampsia, c'est le nom de la condition que j'essaie de trouver les conditions médicales d'hypertension. Voilà, hypertension. Super ça? Ah. Le mot gymnastique, on a déjà parlé de ça ici dans C'est un fait. Le mot gymnastique, qui venait du mot grec gymon, qui voulait dire nu. Eh bien, j'ai plus d'explications. C'est que dans la Grèce antique, on performait la gymnastique complètement nue. Ah ouais, tout le temps. À l'époque, tout le monde. Ben, je sais pas. À chaque année, 3 millions d'adolescents vont se ramasser une maladie ou une infection transmise sexuellement. 300 millions? 3 millions. 3 millions. C'était bien ça? 3 millions, exactement. Beaucoup, quand même. C'est beaucoup. Deux tiers de toutes les grossesses à l'adolescence vont arriver entre l'âge de 18 et 19 ans. Deux tiers de toutes les grossesses adolescentes. Adolescente, au niveau des États-Unis, ici, en fait, t'es un adulte. Entre 18 et 19 ans, t'as tout à fait raison. Bon point. devine la chose qui est le plus utilisée par les femmes pour se faire plaisir. L'objet. Ben, Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Merci. De rien. On essaie, t'sais. Je sais pas, les mains? Non. Non. Une chandelle. Une chandelle. Une chandelle. Boy, boy, boy. Masters and Johnsons, OK, ont inventé ou en tout cas ont déterminé les différents plateaux, les différents, on dit stages, là, genre les phases du cycle de réponse sexuelle. Donc, le premier niveau, c'est l'excitation. Ensuite, le plateau. Le plateau. Le plateau. J'imagine les choses sont très stables. L'orgasme et la résolution. C'est les stages de la réponse envers le sexe. Eh bien. Chez les gens. Excitation, plateau, orgasme et résolution. La personne typique passe environ 600 heures à avoir des relations sexuelles entre l'âge de 20 et de 70 ans. 600 heures? 600. 600. Toujours de la difficulté avec la liaison. 600 heures, je pense. Je suis pas sûr. 600 heures. Selon une étude, 1% des sujets femmes peuvent se rendre à l'orgasme seulement en stimulant la poitrine, leur propre poitrine. Pour vrai? Ouais. C'est bien. Avoir des relations fréquentes lors du Moyen Âge, c'était mal vu. Je m'excuse. Middle Age, c'est plus la mi-vie presque d'une personne. Et on parle pas de l'époque du Moyen Âge. Donc, avoir des relations sexuelles pendant le milieu de ta vie, c'est quoi, c'est quarantaine, ça? À peu près. Ça va te protéger un petit peu au moins contre les effets dégénératifs de l'arthrite. Mais à ce qui paraît, en fait, là, il y a plein d'études, je pense, qui démontrent que c'est bon, en fait, pour la circulation sanguine, oui. Le cœur, ce truc-là, en fait, c'est bon pour une panoplie de choses. C'est littéralement sain pour toi. Une étude a découvert que les hommes sont plus attirés par les femmes avec de grosses pupilles. De grosses pupilles? Là, on parle vraiment d'yeux, là, c'est pas un euphémisme pour les seins, c'est vraiment les pupilles. Okay. L'anorgasmie. Est-ce que tu veux deviner ce qu'est l'anorgasmie? C'est en fait, c'est un lien avec l'orgasme. Ouais. T'as pas d'orgasme? Exactement. C'est le terme clinique pour ceux qui sont pas capables d'avoir un orgasme. Environ 10% des femmes adultes n'ont jamais eu d'orgasme. De l'orgasme. Les femmes ont de plus grandes capacités orgasmiques que les hommes. Ils peuvent avoir, évidemment, plusieurs orgasmes. On le savait déjà, pendant une seule relation sexuelle. Le sperme peut vivre pendant 48 heures dans le corps féminin, mais il y a eu des cas documentés de sperme qui vivaient encore après 8 jours. Hey. Incroyable. 8 jours? Ouais. Encore une fois, une devinette pour toi. Le syndrome de la République dominicaine, qu'est-ce que c'est? Le syndrome de la République dominicaine. Ouais. C'est une excellente c'est question. C'est pas le Dirty Sanchez, c'est pas vrai. ceux qui savent pas ce que c'est pas grave. Je sais pas, sincèrement. C'est une maladie, en fait, qui cause que, dans le fond, la personne naît anatomiquement femme, mais va développer l'anatomie masculine plus tard à la puberté. Ah oh ouais, et c'est propre de la République dominicaine? Je sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais j'imagine que ça a commencé là. Ouais, ou ça, peut-être le premier cas, c'est... Exactement. C'est bizarre. Boy, c'est très bizarre. C'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi. Les études montrent que la grossesse diminue la capacité d'odorat chez la femme. La femme va moins sentir pendant qu'elle est enceinte. Bizarre. Quand même étrange. Je demanderai à ta blonde. Ouais. Qu'elle sent moins pendant qu'elle est enceinte. On m'en a pas parlé. Non. Bon. Le mot « orgasme » vient du grec, qui veut dire « to swell », donc si on veut « enfler », ou encore « être excité », ou encore « avoir des envies »,« lustful ». Oui. Ça vient de là, « orgasme ». L'homme a le plus grand appareil parmi tous les primates masculins. Okay. Appareil génital. Oui. C'est ça. Si on précise pas, c'est souvent pas mal l'appareil chimique. Il y a un désordre qui s'appelle le micro-pénis, tu connais? Ouais, tout petit, là. Oui, tout petit. Est-ce que tu veux deviner la grandeur maximale d'un micro-pénis? C'est un désordre très, très rare qui affecte... Je sais pas, c'est une affaire en millimètres, est-ce que je me trompe? Je l'ai juste en pouces, par contre. Ah, ouais. Je sais pas. 3/4 pouces. OK. 3/4 pouces. Ouais. Statistiquement parlant, les hommes sont meilleurs que les femmes pour détecter l'infidélité chez leur partenaire. Oh, ouais. Eh ben, ça me surprend ça. Les femmes ont plus de chances, en fait, de tromper leur copain, copine, etc. Ouais. Pendant leur ovulation. Statistiquement parlant, plus de chances. C'est arrivé plus souvent, j'imagine, selon une étude, que c'était pendant l'ovulation. 41% des hommes disent qu'ils ont appris que le sexe existait, ou en tout cas ont connu des choses sur le sexe, de la part de leur frères ou sœurs, 41% des hommes, alors que 45% disent qu'ils l'ont appelé en regardant la porn. Le porn. Le porn. Ensuite, il nous en reste quelques petits derniers. Je te demande encore la devinette. Qu'est-ce que vaginismus? Mais vaginismus? Ouais. Aucune idée. C'est une dysfonction sexuelle causée par des spasmes musculaires involontaires autour de l'entrée. D'accord. Ce qui empêche l'appareil masculin d'entrer. Eh bien. Des spasmes musculaires. Tu rentres pas là, toi. Comment est-ce que tu rentres pas là, toi? Ça, stop it! Stop, it's summertime! un autre devinette. MC Hammer. C'était MC Hammer, ouais. En effet. Vénus observant. OK. Qu'est-ce que c'est? Observer la planète Vénus, j'imagine. Je sais pas, ouais. C'est le terme technique pour la position du missionnaire. Ça a un nom. Le terme technique pour la position du missionnaire. Vénus observant. Et un autre terme, le frotteurisme. Moi, ouais, t'as frotté, là? Ben oui, entre autres. C'est l'intérêt paraphilique. Tu sais, la paraphilie, c'est quand t'as des genres de drôles de. T'es freak un petit peu dans tes. Ce qui t'attire. Dans tes désirs. Hein? C'est ça. C'est donc de se frotter. OK? De se frotter l'appareil, d'accord? Sur une autre personne sans leur consentement. OK, l'autre personne veut pas. Ou le sait pas. Ou le sait pas, j'imagine qu'il va s'en rendre compte assez rapidement. Ou le sait pas. Je pense que. Ouais. Que tu te frottes sur l'autre avec ton. Non, non! Hey, wow, non, mais wow. que l'autre personne ne le saura pas, ça se peut pas. Ben, en même temps, écoute, mettons dans une foule, j'imagine que. Ah, tu sais pas que c'est ça qui t'a frotté finalement. Ben, tu sens quelque chose, mais tu sais, t'es pas capable nécessairement de détecter c'est quoi. Et l'inverse, c'est aussi vrai, en fait, pour les femmes, j'imagine. Ça doit se retrouver aussi. Probablement. C'est comme les coiffeuses. Je veux pas généraliser, là. Non, mais pas. On s'entend que la plupart. Ah, c'est une blague. Il nous reste deux derniers. 56% des hommes ont déjà eu des relations au travail. Okay. 56, moi, sérieusement, 56%, je suis impressionné. Au travail, t'as peu, là. Ouais, c'est pas mal. C'est plus que la moitié, ouais, c'est environ. Là, c'est plus que la moitié. C'est environ plus que la moitié. Là. Je vais pas être trop précis. Là. Et finalement, en 1609, un docteur nommé Wecker a découvert un cadavre avec deux appareils masculins. Et depuis ce temps-là, il y a eu 80 différences entre 8 et 80 cas documentés d'hommes qui ont la même condition. Two times the fun. You know? Two times the fun. OK. Double your pleasure, double your fun. Ça. Ouais. Ouais, ça doit être bizarre. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec l'autre pendant le. Ça rentre les. Ça, c'est des détails pour l'autre fois. Ouais, c'est ça. On avait marqué les jambes aussi. C'est ça. Oui, ça peut. Oui. Ben, je sais pas. C'est ça, on avait averti les gens de la vulgarité, mais on n'avait pas averti les gens qu'on parlait de ça de ben même. Non, ben non, ben non. Là, hein? C'est tout pour cet fait Kinky Sexy Time. Merci, Mathieu. C'était le fun. C'était le fun? Oui. C'est tout le temps le fun. Tout le temps, c'est ça. Ça dépend de l'heure, mais c'est ça. On retourne en musique avec Kid Kuna. Oui, et la pièce Napalm. Oui, parce que. On a mis le feu. Tu sais, le feu, Napalm, ça. J'allais dire. Vas-y donc. Ouais. Ah, vas-y peut-être pas. Non, vas-y peut-être pas finalement. Je sais pas. C'est quelque chose avec Napal membre quelque chose. Oh, mais, c'est ça, je vais laisser faire. Napal membre. Napal manche ou Napal. Dans le. Crazy match. Le, avec le. Dans les frais bocages et les herbes tendres, tes lèvres en bataille et le vent qui brode ses danses en fine cascade. Sur tes berges blanches, toucher tes étoiles du bout de la langue, le cœur en cavale sous les palmiers de tes hanches, déchirer la voile, effeuiller le temps. Pédales, déserter les rangs, semer la pagaille et sauter dans un toboggan, quitter la parade, bousiller ses chances, danser sur la table dans le théâtre qui flambe. Déposer mes armes. Baisser mes défenses, les crocs de tes charmes mordent les os de mes jambes, mes chairs en otage, et les neiges tombent. cheval s'arracher le ventre, entrer dans le bal et pousser son chien dans la danse, ramper dans la vase ou dans l'excellence, reprendre la valse dans le théâtre qui flambe. Comme un long matin où tout recommence, les mêmes chemins et les mêmes numéros de chambre, les mêmes refrains, les mêmes silences. Pas ce que t'as un matin. Ah, je sais pas, je sais pas. Moi, la musique de même, ça me donne envie de parler d'iPhone 5. Là. Hey! Ben ça, c'est sensual. T'as-tu out, sincèrement? Oui, j'ai out, ouais. j'ai out. C'est demain, hein? C'est demain. Puis je vous en parle dans scénique, c'est après la pause. Ouh, romantique, toi. Hein? Ça va être chaud. Rassemble qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de C'est fou, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. La nuit se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix. Et soudain le velon me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Oh, prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur de grandir, je sais. Cherche une sortie à ce vicle de saison. Tu dis que I'm your only one, c'est ça. Prends-moi pour une conne. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne t'aurai plus quand ce sera demain. Et c'est si dur de grandir, je sais. Même sans moi, tu connais la fin. C'était Cœur de Pi. Rat. Rat. Avec la pièce Danse et Danse, ça a été sur le palmarès francophone de C'est fou. Il y a de cela quelques temps, en fait pas si longtemps que ça, c'était cet été. Donc, c'est bon encore. C'est très très bon. Maintenant, on parle de technologie. En fait, on en parlait pendant la pièce de Cœur de Pi, la technologie. Donc allons-y avec CNX. Vous savez, le iPhone 5 sort demain, vendredi le 21 septembre à 8h du matin. S'il y en a un qui le sait ici, c'est bien toi. C'est bien moi. Je suis pas au courant des heures d'ouverture des magasins spécifiquement. J'avais vu 8h du matin aux États-Unis. 8h, j'imagine. Ça doit être la même chose au Canada. Et ça me surprend d'ailleurs que les magasins n'ouvrent pas à minuit. Oui, c'est comme vrai. Comme pour Call of Duty. On le fait pour des jeux. Ouais, c'est même pas ça. Une console, c'est un jeu, puis on c'est le fait. Exactement, donc je suis un peu surpris. Mais Apple doit avoir des règles là-dessus. Je sais qu'il y avait beaucoup de règles, entre autres, sur les réservations, les boutiques de téléphone. En tout cas, Bell, c'était le cas. Ils pouvaient pas précommander les 16 gigs. Ils pouvaient juste commander les 32 et 64 les plus chers. Parce qu'il y a trop de demandes pour les 16. Donc ça, c'est la faute d'Apple. Donc c'est ça, l'embargo a été levé, oui ça, pour les critiques de l'iPhone 5. Les critiques avaient déjà reçu leur téléphone depuis quelques jours, ont pu l'utiliser pendant plusieurs jours. Et là, donc c'était en date d'hier après-midi, de mardi après-midi, on a levé l'embargo. Et donc Apple a fourni aux publications des unités de critiques et on en parle. Donc commençons avec l'article écrit par CNET où on parle de la grandeur de l'écran. Ils disent que c'est assez subtil, l'augmentation verticale de l'écran, mais comme le Retina Display de l'iPhone 4S, entre autres, vous allez avoir des difficultés à revenir en arrière une fois que vous allez avoir utilisé l'écran de 4 pouces de diagonale. Ça, je peux très bien comprendre, parce que les gens disent, bon, tu sais, on voit les blagues circuler, ah, tu sais, l'iPhone est juste plus grand. Oui, il est plus grand, en effet, mais plus grand, ça veut dire qu'on peut ajouter des fonctions au logiciel qu'on ne pouvait pas avoir avant. Donc, peut-être une nouvelle barre d'outils dans certaines applications. Mais t'as une rangée de plus d'applications. Une rangée de plus d'icônes sur la page d'accueil, mais c'est justement la plus petite affaire qu'il y a. Le reste des applications vont pouvoir profiter de cet espace-là, ouais, vraiment. Tout à fait. On parle aussi du LTE, c'est avec moi à Trois-Rivières parce que je sais que je l'ai demandé. C'est pas disponible. Pas disponible le LTE, mais le 4G l'est, donc ça va être quand même plus rapide que le 3G, mais pas énormément. Ils disaient entre 10 et 20 mégasecondes aux États-Unis pour le LTE, donc c'est extrêmement rapide. Ils disent deux fois plus rapide que le routeur sans fil à la maison qu'on a communément, mais sur ton cell. Les photos, on disait qu'on pouvait prendre des photos en même temps qu'on enregistrait de la vidéo sur le nouvel iPhone. C'est des captures d'écran de la vidéo. Que ça propose. Ouais, ouais, j'imagine. Donc, c'est pas vraiment un appareil, c'est pas le 8 mégapixels de l'appareil photo. Il a fait des appels chez CNET avec son speakerphone, donc via le téléphone, main libre, si on veut, avec le micro et tout ça. Et il dit que les gens le remarquaient, que c'était beaucoup plus clair comme son sur l'iPhone 5. Le téléphone a duré presque toute la journée, donc il a débranché son téléphone à 8h du matin. Il a fait des appels, surfé le web, regardé des vidéos, téléchargé, joué à des jeux, fait des appels FaceTime via Wi-Fi et LTE, et même un petit peu d'utilisation de hotspot avec son MacBook Air. Et il a duré toute la journée. OK, ça c'est bon. Bien. Et puis j'avoue qu'il n'a pas dû le lâcher. Là. C'est ça, il a vraiment fait vivre toute la gamme d'émotions à son iPhone. Sinon, toi, ta batterie, mettons, exemple, sur ton journée. Ça va bien, mais tu sais, comme par exemple, hier, j'étais, mettons, à 20% de batterie, une fois la journée passée, et juste faire un appel, ma copine m'a téléphoné, et là, j'y ai dit, en décrochant, ma batterie va bientôt me lâcher, fait qu'on a fait ça vite. En raccrochant, instantanément, la petite boule a tourné. C'est vrai? J'étais supposément à 20% de batterie il y a 15 minutes. Okay. Fait que juste faire un appel sur le 3G, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui fait mourir la batterie. Mais sinon, non, je peux le faire durer quand même plusieurs jours ouais. si je l'utilise pas du tout. Ouais, faut pas que tu l'ouvres. En stand-by, si tu l'ouvres pas, ça fonctionne très bien. C'est donc pas le but de l'iPhone. The Loop a aussi sorti sa critique en disant que si on m'avait dit que juste une autre rangée de plus de mes courriels ou une rangée de plus sur une page web allait changer quelque chose, j'aurais dit je vois pas l'importance de ça. Mais quand tu regardes le iPhone 5, c'est beaucoup plus que ça. Il faut le voir pour comprendre ce qu'on peut faire de plus avec un iPhone 5. Bon. D'accord. Le New York Times maintenant, qui parle du nouveau téléphone disponible en noir et en blanc, et dit qu'il est beautiful, particulièrement le noir. Parce que le noir sur noir de l'aluminium sur les côtés est apparemment très impressionnant. Ça fait un petit peu stealth bomber, comme un genre d'avion. OK. Bon. La caméra est parmi les meilleures sur un téléphone, nous dit-on chez The New York Times. Ils disent que les photos avec faible luminosité, ça va être beaucoup, beaucoup plus beau que les photos sur l'iPhone 4S. Ils disent que c'est dommage pour le connecteur. Par contre, Apple se soucie-t-il de perdre des clients? Donc, la loyauté des clients et des ventes. Moi, je pense pas que ça va changer grand-chose. Les gens sont pas très, très chialeux là-dessus. Ils chialent, mais ils les achètent ouais. quand même, non. C'est vrai. Allons chez Engadget maintenant, qui dit que l'appareil pèse 112 grammes, 20% plus léger que l'iPhone 4S. Ça, c'est des faits qu'on savait déjà. On a l'impression, en lisant les chiffres, que ça aura pas un grand impact, mais ça a finalement un très, très, très grand impact. 20%, c'est quand même notable. C'est ça. Ils disent que la plupart des gens, la première affaire qu'ils remarquent en prenant l'iPhone 5, c'est non pas l'écran, mais c'est le poids. C'est le poids. Première chose. Le Lightning Connector est beaucoup plus facile à connecter, nous dit-on. Tu sais que le connecteur ouais. qu'on utilisait, c'était vraiment... Changer. Il fallait être très, très précis puis le mettre du bon bord. Celui-là, n'importe quel bord, et ça glisse dedans comme du bord. Okay. C'est ce que ça dit. Plus problématique, c'est la vitesse du connecteur parce que c'est de l'USB 2.0. Oh. On n'est pas encore rendu à la surprenant. Au 3.0. Moi aussi, ça me surprend beaucoup. Prendre des photos a été beaucoup amélioré aussi. La vitesse est vraiment plus rapide. On parle ici de 11h15 pour l'iPhone 5 de batterie lorsque l'utilisation était normale, que le Wi-Fi était fonctionnel et que les comptes de réseaux sociaux pingaient à un intervalle régulier. Okay. Donc, en faisant l'utilisation normale, et même eux, ils disent qu'ils ont fait louper en boucle, jouer en boucle une vidéo pendant ces 11h15. Donc, c'est l'utilisation de vidéo, là, ce qui demande le plus de batterie. L'écran est allumé tout le temps. Encore, c'est exactement ça. Donc moi, en tout cas, c'est pour ça que je trouve qu'on met la barre très, très haute. Ouais, ouais, tout à fait. C'est non, fort. Non, c'est bien. En général, iOS 6 a vu quelques ajouts. On parle de l'intégration iCloud qui est beaucoup plus évidente, beaucoup mieux faite. Safari va mieux et l'expérience en général est beaucoup plus... on dirait qu'ils ont comme poli un petit peu toute l'interface. Tout est mieux fait. Épuré. Plus épuré, plus d'attention sur chaque détail. Dans le Wall Street Journal, on dit que l'iPhone est beaucoup plus facile à tenir... étant donné qu'il est plus haut, ouais, c'est ça. Et puis plus confortable, particulièrement à une main, ça va vraiment bien pour faire l'écran complet. On se rappelle que c'était l'objectif d'Apple de ne pas augmenter la taille de l'écran. Ouais, c'est exact. Pour que ton pouce se rende dans le coin et ça se fait encore. J'essaie de filtrer un petit peu, voir dans ce qui reste. Là, y a-t-il des mauvaises critiques? À date, tout ce que je vois, là, c'est pas mal du positif. Okay. Beau, blablabla. OK, on dit que... Qu'est-ce qu'on dit? Non, ça, c'est encore du positif. J'essaie vraiment de voir du négatif. On dit qu'en général, les critiques sont plutôt positives. Évidemment, la plupart des critiques négatives sont par des gens qui n'ont pas tellement suivi les renseignements sur tout ça. Ils vont y aller Et des gens... peut-être pas des experts, tu sais. Ouais, et peut-être qu'ils n'aiment pas nécessairement... Quand t'es anti-Apple, c'est sûr que c'est facile de trouver des désavantages. J'ai vu quelques vidéos, je les ai postées sur ma page Facebook personnelle hier. Okay. Shit Apple fans C, genre. Et là, ça arrêtera pas de vanter des affaires qui, dans le fond, sont pas si impressionnantes que ça. C'est sûr qu'Apple arrive avec des nouveautés qui sont dans Android depuis longtemps. C'est vrai. Tout le monde le sait. Et aussi, Apple ont mis la barre haute au début. Exactement. Donc... à un moment donné aussi. Android se bat, essaie d'aller encore plus loin, va intégrer des technologies qu'Apple veut pas mettre, comme le Near Field Communication, de pouvoir passer son cellulaire, genre, c'est d'avoir la technologie de transmission par proximité, tu sais. C'est une application. C'est par connexion Internet, genre, ça passe par Internet, ça passe pas directement d'un téléphone à l'autre. Okay. Ce que Android fait, tu sais. Bon. Bref, il y a des choses comme ça qu'on va avoir dans le futur avec iPhone, j'espère, mais pour l'instant, on doit se contenter de ça. Et c'est quand même un vrai. Je trouve un vrai bijou et un bond vers l'avant significatif malgré ce que les commentateurs de salon sais, les analystes de divan. Ouais. Bon, on en est un. On en est aussi, c'est ça, mais il faut se renseigner plus. Oh, ouais, non, tout à fait, tout à fait. Il faut l'essayer. C'est parce que là, en fait, on le voit sur Internet, mais ça veut rien dire. Ben justement, je l'ai posté lundi, sur... Genre que tu me le prêtes pendant la journée. Ben c'est sûr, toute la journée. Interurbain, tout. Je t'ai posté sur assemblagerequis.com des vidéos, des extraits vidéo qui comparent l'iPhone 5 avec les précédents et qui vous expliquent chaque façon. Là, les grosses catégories, c'est la prise en main, l'écran de 4 pouces, les jeux, etc. Donc tout ça en photo et en vidéo grâce à Cinet France sur assemblagerequis.com. Est-ce qu'on compare avec un Android ou... Il y a quelques places, je sais pas si dans cet article-là on le fait, j'ai vu des comparaisons avec l'Android. Okay. Il est plus petit, c'est sûr. Oh oui, tout à fait. Il est moins large. Ouais. Mais ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est un avantage. Ben, tout à fait. Moi, j'aime ça quand ça rentre dans. Ben, c'est ça, faut pas que ça prenne trop de place dans ta poche. Là, non, c'est pas c'est le fun. Ça, exactement. Aussi, en date d'hier, on a sorti iOS 6 en prévision de la sortie du nouvel iPhone. On a sorti déjà le nouveau système d'exploitation. Je vous laisse aller lire l'article. Il y a quelques nouvelles options, entre autres le nouveau système de cartes. Ils ont enlevé Google Maps pour ajouter leur propre application de cartes. Application YouTube native qui a été enlevée. On vous force maintenant à aller chercher l'application faite par YouTube. OK. Et on se rappelle que dans une précédente version, il avait enlevé les podcasts, les balado-diffusions de la section, je crois que c'était dans iTunes ou Music, quelque chose comme ça. Ils ont fait de ça leur propre application podcast. Oui. Je pense qu'Apple s'en va vers ça. Comme ça, on peut plus facilement mettre le système à jour sans mettre toutes les applications à jour. Moi, je suis pour la ségrégation des applications vers leurs propres fichiers. C'est bien. Ouais, c'est très, très bien. Mais je vous laisse les détails sur le site. Il y a aussi les nouveautés de iTunes 10.7. On attend encore iTunes 11 qui s'en vient à la fin du mois d'octobre. On a appris qu'il n'y aura pas de station d'accueil officielle signée à Apple, donc pas de dock pour brancher votre iPhone. Officiel. Moi, j'adore mon dock iPhone. C'est ce qui fait que je recharge mon iPhone maintenant, c'est que je peux simplement le mettre debout sur son petit appareil. Il n'y aura plus ça. Ça va toujours exister? Pas de Apple. Ouais, pas de Apple, mais en fait... Il va falloir attendre que d'autres compagnies en sortent, mais pour l'instant, ils veulent que tu branches le fil directement dedans. Ah. C'est dommage, je ne comprends pas pourquoi. C'est un bon marché, pourtant, en plus. Ouais, en plus, c'est ça, puis ils vendaient vraiment cher, donc tu sais, tu fais de l'argent. Ouais, tout à fait. Ah, là, écoute, je suis pas inquiet pour eux autres. C'est pas grave. Donc, continuons rapidement, le temps file. Sony qui a présenté sa nouvelle PlayStation 3, version encore plus slim. Le géant japonais a dévoilé une version plus petite, plus mince et plus légère de sa console PS3 quelques semaines avant le lancement de la saison des fêtes. Sony se prépare à affronter une hausse de la concurrence provenant des jeux sur téléphone intelligent, on le sait. La nouvelle version est environ la taille d'un ordinateur portable, soit la moitié de la taille de la version originale de 2006. On parle pas de la Slim Edition qui était sortie il y a quelques années. Elle offre des mémoires de 250 et 500 gigs comparées à 160 et 320 actuellement. Elle va être en vente le 25 septembre. Et le prix reste pareil? 270. C'est bien. C'est pas si mal. Je trouve ça beau comme petite version. Moi, je préférais, j'adorais beaucoup la Slim comparée à l'ancienne qui ressemblait à un grill George Foreman. Ouais, il était gros. La deuxième version est parfaite. Je comprends qu'ils veulent la ratisser encore une fois pour faire un dernier sprint d'argent. C'est d'en vendre un peu, ouais. Avant la PlayStation 4. PlayStation Plus qui s'en vient en novembre sur la PlayStation Vita. C'était annoncé lors de la conférence du TGS, le Tokyo Game Show, qui se déroulait cette semaine. On a aussi annoncé que le PlayStation Store donc, va être ajouté au service PlayStation Mobile à partir du 3 octobre. Et puis, dernière nouvelle, tiens, très drôle, qu'on aime bien. Un millier de fonctionnaires taïwanais sont tombés dans le piège tendu par leur patron qui avait diffusé du contenu prétendument sulfureux par courriel afin de contrôler leur sensibilisation à la cybersécurité. Les autorités de New Taipei City, une commune près de Taipei, ont envoyé le mois dernier à 6000 employés un spam censé contenir... pardon. Non, c'est pas grave. Censé d'avoir... Eh boy, meurs pas comme arrive. Ça. Wow, censé contenir une vidéo à caractère érotique ou pornographique. OK. En dépit d'une interdiction formelle d'ouvrir des courriers non professionnels dans la compagnie, près de 1000 d'entre eux ont succombé à la tentation. Ils devront se soumettre à une formation obligatoire de 2 heures en sécurité Internet. Eh bien. C'est le boss qui a piégé les gens. Eh bien. Et puis sur Internet, on a une compilation des meilleurs skins Winamp. Donc, je vous ferai pas jouer la vidéo, mais c'est une vidéo musicale. Donc, on fait jouer des clips, des extraits de chansons en vous montrant des skins Winamp. Tu sais, on se rappelle dans les années 90, Winamp, on avait des skins spéciales. Ben, il y en a encore, en fait. Il y en a encore disponible. Exact. C'est le 15e anniversaire de Winamp qui a été célébré cet été. Donc, allez voir cette vidéo-là sur assemblagerequis.com. Il y a un nouveau Tumblr qui s'appelle The Kawaii Project. Kawaii, c'est quand tu rends les choses cute, là, à la style asiatique, tu sais, jeune Kawasaki. Oui, c'est ça. Jeune asiatique, par exemple, c'est prendre des photos de vedettes et leur rajouter du maquillage, puis des petits cœurs, des petites étoiles. Donc, ce nouveau blog qui ne montre que ça, c'est quasiment intéressant. Quasiment intéressant. Il y a un nouveau chat rencontré, Spangles. C'est une vedette du web, une nouvelle vedette du web. C'est le chat avec les yeux croches que les gens aiment beaucoup sur Internet en ce moment. Spangles, en hommage aux États-Unis parce qu'il est né un 4 juillet, c'est Star Spangled Banner. Là. Donc c'est Spangles le chat sur facebook.com/Spangles09. Très bien. Super. On vous montre aussi une photo avec 25 ans de disquettes et différents disques. Donc, on vous dit que toutes l'évolution. Les disquettes... Ouais, l'évolution vers la carte SD. Et toutes ces disquettes-là, il y en a des piles, des milliers, au moins des centaines. Et la carte SD en bas a plus de capacité que tout ça réuni. Ah ouais, pour vrai, ensemble. Wow. En 25 ans, ça a beaucoup évolué. Formidable. C'est super. Et pour terminer, un professeur qui fait le cercle parfait. Il y a des compétitions de cercle parfait, comme le band The Perfect Circle. Là. Et celui-là, ce professeur-là participe. Lui, il dessinait déjà des ronds dans sa vie, des ronds parfaits. C'est difficile de dessiner un rond parfait. Ouais, ouais, c'est difficile. Et le gars a vu qu'il y avait des compétitions de ça, un talent, exactement. Et il est en train de laver son tableau, ce qu'il fait très bien. Et il a même montré à ses élèves le truc de comment sécher un tableau. Tu fais aller tes mains devant et ça sèche le tableau très rapidement. Je ne savais pas ça. Tu fais aller tes mains devant. Tu vas voir, il va faire une genre de petite stepette. Je vais juste l'avancer un petit peu. Et ici. Ah tiens, comme ça, il fallait ses mains devant. Et à un moment donné, il va dessiner son rond parfait. C'est sûr qu'à la radio, c'est plate un peu, mais allez voir sur assemblagerequis.com. Parfait. J'essaie d'impressionner François en montrant son cercle parfait. En tout cas, il va se rendre pendant qu'on parle. Il va en faire un. C'est tout pour la chronique CNX d'aujourd'hui. Merci Mathieu. Ça me fait plaisir. Vous pouvez retrouver les chroniques en compilation dans cnx.zip sur assemblagerequis.com. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger le fichier MP3 et les chroniques de la semaine, c'est-à-dire celle-ci. Il l'a fait, hein, le cercle parfait. Il était temps. Voilà. Merci, Matt. Ça me fait plaisir. On va terminer cette heure ici parce que dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on va faire? Au retour, on va parler de la programmation de TV Cogeco Mauricie avec M. Martin Leclerc, directeur de la programmation au niveau ici régional. Donc, ça va être tantôt. On a aussi François Landry, sa chronique politique Logocratie 101, où on va parler des conséquences de la commission Charbonneau. Restez là. C'est fou depuis un bout. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 20 septembre 2012, les 8h03. Et dans quelques minutes, on parle de la programmation d'automne de TV Cogeco. Mais avant ça, on écoute une pièce de Waving Hand. Voici Bonne nuit mon cœur, assez fou dans vos oreilles. On se cute. Oh oui. Comme un chat avec les yeux croches, mais plus cute encore. Ah. Oui, en effet, très approprié le matin. Bonne nuit, mon cœur, de Waving Hand. Mais c'est une pièce qu'on adore ici, assez fou. Et puis, on n'a pas d'émission la nuit. Fait que, hein? Fait qu'on en profite le matin. C'est ça. Pas le choix. Toujours assemblage requis. Il est 8h07 minutes. Et maintenant, on a la chance de recevoir un invité spécial, François, pour parler de TV Cogeco. Martin Leclerc, directeur de la programmation régionale de TV Cogeco, Mauricie. Ça va bien? Ça va très bien, vous aussi? Ah oui, ça va super bien. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Écoute, on va parler de la programmation de TV Cogeco Mauricie. Écoute, vous l'avez lancé la semaine dernière. Absolument. Nous, on a fait notre grand lancement dans notre studio, un superbe studio que vous voyez des fois de temps en temps en passant sur le bord de la route, là, le Cogeco. C'est relativement nouveau aussi. Exactement. Fait que nous, on est là depuis 2 ans. C'est fantastique. Des superbes studios que vous pouvez d'ailleurs venir voir. Pour vrai? Ben oui, c'est ouvert. Les gens peuvent venir en plus assister aux enregistrements d'une émission dans nos studios. On enregistre une émission qui s'appelle Science et Fiction. Okay. D'ailleurs, animée par le professeur Ollery, qui est Régis Ollery, qui donne des cours ici à l'UQTR. Et les gens peuvent appeler et venir voir l'enregistrement, comment ça se passe, être sur le plateau de tournage avec nous, c'est fantastique. La télévision, c'est un médium qui est trippant. Là. Oui. Les gens, ils viennent faire leur tour, là, puis là, les yeux, ça s'allume. Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'entends dire que science et fiction en particulier est très, très couru. Il faut vraiment réserver à l'avance parce que c'est plein. Écoute, on a tourné notre première le 30 août à peu près, puis c'était sold out. En plein milieu d'été. Là, fait que là, pour nous, ça, c'était un gage de succès. On est très, très heureux. Il nous reste seulement que 3 dates d'enregistrement. Les 3 lundis d'octobre, 1er octobre, 15 octobre, puis 30 octobre, la dernière semaine d'octobre. Okay. Fait que si les gens veulent, ils appellent 819-693-8353, puis ils réservent leur place. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais les gens peuvent venir nous voir. Là. Fait que le lancement, c'était donc mardi passé, mais notre début de programmation officiellement était lundi matin, 7h45, avec Connecté sur la Mauricie, notre émission d'information à tous les jours. On renouvelle l'information, on va couvrir ce qui est le plus important ici en région. Fait que vous avez votre émission d'information avec nous comme ça. Fait qu'à 7h45, j'étais chez nous. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucun problème. Tout est parti. Tout est parti, ça a bien été. Oui, ça a super bien été. Qui anime le bulletin de nouvelles? Ben en fait, c'est des bénévoles. OK. Ce sont des gens de la communauté. Donc, il y a beaucoup de gens de l'UQTR, d'ailleurs, qui en font. Qui s'impliquent. Fait que c'est des gens. Puis, à tous les jours, quand on n'en a pas, le caméraman part tout seul puis il fait sa nouvelle tout seul. Mais quand on a des bénévoles qui peuvent se joindre, ils vont faire les entrevues. Puis, c'est fantastique comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont développés. Puis, par la suite, ils continuent dans le domaine où c'est seulement un passe-temps, un loisir pour certains. Fait que nous, on les accueille, on les forme, on les développe, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Et bienvenue à tous. Hein. S'il y en a qui ont le goût de faire de la télévision, c'est chez Télé Cogeco que ça se passe. On est là pour ça, que ce soit devant ou derrière la caméra. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Un caméraman, quelqu'un qui est plus au niveau de la technique. Absolument. Très bien, On a beaucoup plus de ce type de personnes-là que de gens qui veulent être devant en passant. Fait qu'on a beaucoup plus de caméramans, des gens qui veulent faire régisseurs de plateau, qui veulent faire du montage. C'est une belle expérience. Expérience merveilleuse. La télévision, c'est fantastique. Tu t'en vas là-dedans, tu te trempes là-dedans. Puis c'est comme, waouh, c'est moi-même qui le fais, c'est moi qui tourne les images. J'ai croisé il y a 2 semaines quelqu'un qui avait fait des émissions en 95 pour Télé Cogeco, puis il était encore marqué de ça. Ah, il m'en parlait, il dit, je me souviens, je plaçais la caméra à terre, puis j'étais en train de filmer, puis écoute, là, je dis, waouh, les images que j'ai vues après, c'était extraordinaire. Fait que ça marque les gens, c'est ça qui est extraordinaire. Puis, savez-vous quoi d'autre qui est extraordinaire? Non. Mettons, Mathieu, François, un matin, vous vous levez, là, puis vous dites, hey, j'aimerais ça faire une émission de télévision. Vous avez une idée vous-même, là. Mettons, on appellerait ça assemblage requis, mettons. Imagine. Hey, vous en faites pas de nuit ici, là. Fait que vous faites la TV de nuit à Télé Cogeco. Fait que votre concept, c'est on sait pas quoi, mais vous venez cogner à notre porte. Puis on présente un projet. Exactement. Sur les 12 émissions que Télé Cogeco fait, il y en a 10 que c'est des gens de la communauté qui sont venus cogner à notre porte et qui disent « Hey, j'aimerais ça faire une émission de télévision chez vous. » Tu vois, entre autres, Chanson Via Country, qui est notre plus gros succès. Avec Viateur Caron. Avec Viateur Caron. C'est lui qui est venu cogner chez nous il y a 13 ans. Puis il dit « J'aimerais ça faire des émissions de télévision country à Télé Cogeco. » Et 13 ans plus tard, c'est encore notre émission vedette à Télé Cogeco. Écoute, ici en Mauricie, on a 60 000 abonnés. Il y a 25 000 personnes l'année passée qui nous écoutaient. Puis sur le réseau, parce que ça passe partout à travers le Québec aussi. On a frôlé... Cette émission-là, justement, c'est ça, elle est distribuée aux autres... Oui, absolument. Partout à travers le Québec, sur les ondes de Télé Cogeco, c'est notre émission vedette partout. Puis on en est très, très fiers. Ouais. C'est du monde de la Mauricie. C'est okay. Nous autres qui fait ça. C'est des bénévoles. C'est des. Hey, écoute, on en est très, très fiers. Fait que toutes les émissions, je parlais de science-fiction tantôt, c'est aussi Régis Ollery puis Claude Pellerin sont venus cogner à ma porte. Ils m'ont dit on aimerait ça faire des émissions sur les phénomènes paranormaux. Puis bon, ben j'ai choisi cette émission-là. Puis ça a fonctionné tellement qu'il y a deux saisons maintenant. C'est notre deuxième saison. C'est la deuxième saison, exactement. Mmh. Effectivement. Puis donc, c'est ça. Fait qu'un jour, vous avez une idée, les gars, ben vous venez cogner à notre porte. Puis moi, je choisis parmi les émissions que les gens m'ont proposées. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Parfait. Et ça rentre vraiment dans votre mission, en fait? Oui. Exactement. On se fait appeler une télévision d'accès. Fait que c'est accès à la communauté, autant par les projets qui sont amenés chez nous que par la production. Fait que c'est autant des gens qui sont venus nous amener des idées puis que des gens qui sont derrière la caméra, devant la caméra. Donc, nous, c'est notre mission d'accueillir ces gens-là. Ça ne nous empêche pas à nous de faire aussi des émissions de télévision qu'on produit par nous-mêmes, oui. des émissions comme Connecté, par exemple, c'est pas une émission d'accès parce que c'est nous qui avons décidé de produire ça. Non, c'est ça. Et il faut que ça se produise, en fait, là, à chaque jour pour les nouvelles. Effectivement. Okay. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Fait que vous êtes toujours les bienvenus. OK. Et puis, quelqu'un qui n'a pas nécessairement 40 heures par semaine à vous consacrer, c'est pas grave. C'est absolument quand même... pas grave. J'ai des bénévoles qui viennent deux fois par année, puis j'en ai qui viennent deux fois par semaine. Okay. Ça dépend de ce que tu as le goût de faire. Vos ça dépend du temps que tu as. Alors, c'est aussi simple que ça. Fait que, tu vois, en fin de semaine, on fait la captation d'un gala à Sagittarius Thompson. Ça va être plein à craquer. Puis, j'ai quatre bénévoles qui viennent faire de la caméra pendant la captation. Puis, c'est comme ça. Fait qu'on fait des spectacles, on fait du sport, on fait des événements. C'est le Festivois pendant l'été, là. Je vais dire que c'est tout un trip faire ça. L'année passée, on a fait les Jeux du Québec, on a fait la Coupe Memorial, le Festival de l'Assomption. Vous êtes partout, en fait. Vous essayez de couvrir un peu. Écoute, quand je suis arrivé, c'était pas comme ça. Ça fait 9 ans que je suis là, mais là, on roule à l'année longue. On n'a jamais eu autant de demandes. Je te dis, ça n'a pas de bon sens. C'est les gens, on a réussi avec le temps à montrer qu'on est beaucoup plus qu'une télévision communautaire. On est une télévision communautaire, oui, mais professionnelle. On amène un côté professionnel à nos productions. Puis là, les gens ont commencé à réaliser « Wow, hey, ce que Téléco-Géco font, c'est bon, c'est fantastique. » Fait que là, ils viennent faire ça, ils viennent regarder ça, puis ils disent « Wow, ils sont fiers de ça. » Écoute, avec le temps, on a fait des choses. On a fait la captation du Grand Prix de Trois-Rivières pendant 2 ans. On a fait le Cirque du Soleil pour le spectacle en 2009. Vous avez d'ailleurs aussi couvert les Patriotes, hein? Est-ce que les je me trompe? Patriotes de l'UQTR, écoute, ça fait des années qu'on fait ça. On a fait les séries encore l'année passée. Ouais, le match suicide, on a fait ça donc l'année passée. Puis je me souviens, il y a quelques années, il avait fait un match suicide sur nos ondes. Puis c'était pour aller au championnat canadien. Puis il restait 10 minutes à jouer, puis il perdait 4-1. Ils ont scoré un but. Puis dans les deux dernières minutes, ils ont scoré 3 buts dans les 2 dernières minutes. Puis c'était sur nos ondes, là. Hey, ah, c'est le fun, là. On capotait, là. Fait que faire du sport comme ça, là, c'est tout un trip, là. Et puis, vous avez aussi un partenariat avec Vox. Oui, absolument. Parce que Vox est plus du côté de Cap-de-la-Madeleine. Oui, c'est des territoires. Donc, okay. le territoire se coupe avec la rivière. Fait que le Cap-de-la-Madeleine, ça appartient à Vidéotron. Mais c'est pas des compétiteurs, là. C'est pour nous, là, c'est des partenaires. Ils font des productions, ils m'offrent leurs émissions. J'en prends plusieurs sur mes ondes, puis moi, je lui offre la même chose qu'il prend aussi. Fait que les gens, normalement, au Cap-de-la-Madeleine, ils peuvent voir aussi Chanson Via Country. Ça, je pense que tout le monde à qui qu'on l'offre, ils le prennent, ça, c'est sûr et certain. Les seuls qui peuvent pas voir ça, c'est les gens qui ont Belle. Ah, ça, comme absolument. Moi. Parce que c'est exclusif au câble de Cogeco. Donc, et même sur notre site web, parce qu'il y a des extraits qu'on met sur notre site web, mais c'est 5 minutes maximum qu'on met. Légalement, donc, ça, j'imagine, c'est une question de légalité. C'est un choix. C'est un choix parce que nous, on se dit que c'est exclusif au câble. Fait que s'il fallait qu'on rende notre plateforme disponible n'importe où, il n'y aurait plus d'exclusivité pour. C'est plus d'exclusivité à nos abonnés de câble. Ben, parlant du site web, excellent, qui a la programmation au complet dessus. Vous pouvez retrouver chacune des heures de diffusion, chaque information disponible sur l'émission aussi. Donc, c'est tvcogeco.com. Absolument. Il y a des concours aussi. Donc, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir un méga concours justement par rapport à Chanson Via Country. 2 personnes vont nous accompagner sur un bateau de croisière pour la prochaine production. Avec Viateur. Toute l'équipe de production pendant 8 jours. On va être parti aux îles Turquoises, aux Bahamas. On part de New York. C'est plaisant. Ça va être quelque chose. Et moi-même, je vais te dire, j'ai très, très hâte. C'est la première fois que je vais voyager et travailler en même temps. Je trouve ça fantastique. Fait que ça va être en avril 2013. Fait qu'on a ça sur notre site web. Ah, puis il y a quelque chose, j'ai oublié de vous parler, les gars. Mais c'est sûr, là. Hey. Enfin, je pense que c'était ma prochaine question. Une émission aussi qui est reliée vraiment directement à l'université. Absolument. Je t'avais dit avant de commencer on va commencer avec ça. Mais non, 15 têtes valent mieux qu'une. Ça, c'est vous autres. C'est les gens de l'UQTR qui font ça. Donc, c'est des étudiants, le cours RTV 1001. Qui se donnent en communication, généralement. Absolument. Ça fait des années que ça existe. Avant, c'était le Canal Vox qui faisait la production. OK. Autour de ça, mais Carmen Marcouillet du Canal Vox a pris sa retraite. Elle a été remplacée il y a quelques années. Et là, c'est moi qui ai pris la relève de ce groupe-là. Donc, j'ai des étudiants, un maximum 15 personnes qui participent à ce cours. Puis leur travail, c'est de faire une émission de télévision sur nos ondes à toutes les deux semaines. Donc, ça veut dire que quand tu te trompes, ça passe en ondes. Là, donc, c'est pour ça que tout le monde est très assidu à ce cours-là. Ils sont en production justement cette semaine pour pouvoir présenter la première émission la semaine prochaine. OK, ça commence la semaine prochaine. Exactement. Ça, c'est à quelle heure? C'est, écoute, par cœur, sur même. Le site web. TVCogeco.com. Je pense que c'est ici. Le lundi à 21h45, je crois. De toute façon, les émissions sont rediffusées assez fréquemment. J'ai diffusé 5 fois par semaine. Parfait. Donc, il y a plusieurs options pour pouvoir le voir pendant la semaine. Donc, vous allez voir de vos collègues qui sont en train de se promener probablement à l'UQTR. Hier, ils ont tourné des choses ici à l'UQTR parce qu'on... OK, c'est ça que j'ai vu. Oui, je les ai vus. On a justement un segment, c'est le bulletin de l'UQTR. Okay. Donc, on parle des choses qui touchent le plus la vie scolaire, la vie universitaire. Donc, on a un segment comme ça. On a une entrevue de fond qu'on fait avec cette semaine quelqu'un de... la présidente du Festival Western de Saint-Tite. OK. Puis on a un reportage à chaque semaine. Puis cette semaine, c'est sur les journées de la culture qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, on fait une émission comme ça à toutes les deux semaines. Puis c'est du monde de l'UQTR qui font ça. Fait que vous avez de quoi être fiers. C'est bien ça. Et puis, je pense que c'est un cours, d'ailleurs, qui est bien aimé des étudiants. Ça leur donne une expérience, justement. Et puis, ça peut leur permettre aussi de continuer... à faire un bout de chemin avec vous. Là. Je te dirais, depuis ça fait 3 sessions que c'est moi qui le donne, puis plusieurs, j'en ai pris quelques-uns comme stagiaires par la suite, qui ont pu continuer là-dedans, puis on leur souhaite justement bonne chance là, par la suite des choses. Fait que oui, effectivement, ça continue. Génial. Martin Leclerc, merci beaucoup, directeur de programmation de TV Cogeco Mauricie. Aviez-vous quelque chose à rajouter, à inviter les gens? En fait, le message est clair. Si vous avez le goût de faire de la télévision, ouais, c'est ça exactement. C'est à Télé Cogeco que ça se passe. Fait que gênez-vous pas, vous nous appelez 819-693-8353. Vous voulez être devant la caméra, derrière la caméra, vous avez une idée d'émission, peu importe. Ou vous voulez simplement assister puis venir voir comment ça se passe. Vous vous gênez pas, vous êtes toujours les bienvenus. Génial. Absolument. Merci beaucoup. Et encore une fois, tvcogeco.com, on le dira jamais assez. Voilà. Nous, on continue. Merci beaucoup, beaucoup. On continue en musique. Après ça, on va revenir avec François Landry et sa chronique Logocratie 101. Cette fois-ci, Commission Charbonneau. Les conséquences. Je pense que ça va barder, cette affaire-là. Je sais pas. Pour l'instant, on écoute Peter et la pièce Les chemins étoilés, tout de suite au 89 FM. C'est fou. Dans vos oreilles. Fou. Hein? Fou. Tu sais, je passe une chanson avec des étoiles dedans, mais il n'y a pas d'étoiles d'or. Oh. Fait qu'encore une fois, ça ne marche pas. Il y a vraiment un concept, hein? Un concept, c'est le contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada. tear on the stone, delivered to this place. Vision dark and cloaked, and those figures through the leaves, and that light through the smoke, and those countless empty days made me dizzy when I woke. And I live to see your face, and I hate to see you go, but I know no other way. And straight on out the door, and I can't help myself, and I can't help myself, and I can't help myself. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Un jour sur deux, j'oublie de mettre la pub de demain ou de lundi. J'ai encore oublié. Donc, toujours assemblage requis, il est 8h31. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Oui, et on accueille l'ultime, pas l'ultime radio, parce que ça c'est fini. Quoi? Tu sais, des radios qui changent de nom tout le temps. Oh ouais, non, ouais, écoute, on n'a pas changé de nom hein, ce matin. Non, c'est ça. T'as encore C'est fou, mais épelé avec un apostrophe EST maintenant. C'est nouveau branding, c'est fou, non? On pourrait faire ça si on changeait. Okay. Oh, OK, c'est fou. C'est fou. Oh, comme, ah, fou. Oui. Tu sais, comme énergie, ben, sont devenus énergie. Non, ben là, c'est mieux là, les voyelles ces temps-ci. Là. Ouais, les couleurs. C'est à la base. Les couleurs. L'automne arrive bientôt, ça pourrait être orange. Oh. Vous écoutez Orange 89.1. Mais là, ça va être confondu avec Orange Orange, le groupe, puis ça, c'est commercial. Ah, il y a ça. Il y a ça. Ben, ça peut être. Guillaume Dépôt. Rose à Tipois, 89.1. J'aime ça. Rose à Tipois. J'essaye, là. J'essaye, là. Tu sais, vu qu'on est la radio atypique. Ouais. Tu sais, pas typique. Atypique. Fait que ça pourrait être rose atypique à la place d'être à Tipois. Des typiques. OK. Comme pas ça, là. S'il vous plaît. Collègue. Collègue. Collègue. Et collègue. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal, royal. François Landry, bon matin. Bon matin, Mathieu Plante. Ça va? Oui, ça va très bien, oui. Hey, Colin, ça a l'air de bien aller, c'est ça, je te regarde. Oui, ben, je suis heureux, la commission Charbonneau est commencée. Enfin. Moi, hein, j'ai sorti mon popcorn, j'ai sorti ma pizza, j'ai sorti ma liqueur, puis des grosses pantoufles en pâte d'ours, là. Oui. Je mets grosse doudou, puis j'écoute ça dans le bureau à journée longue. Non, non, wow. C'est une blague. Je travaille aussi, là, mais j'écoute ça comme musique de fond. Entre-temps, au lieu d'écouter la. Le, ben, oui, j'écoute C'est fou des fois en fond. Hey, fais pas semblant, là. Gars! Dis-le que tu l'écoutes pas. Oui, j'écoute C'est fou. Il me semble aussi. Je sélectionne mes épisodes, par contre. Là, ouais. J'ai quand même. Tu sais, Danny, ben, les trois émissions régulières. Là, ouais. Ça, je suis un fan. Cool. Un fan. Tant mieux, merci. Et puis, c'est ça, tu fais bien le mentionner. La commission Charbonneau est disponible en direct sur Internet. Oui, ah, monsieur. Ça, on peut le suivre que, en direct. Exact. C'est pour ça que je l'écoute en fond, en musique de fond. Là, je suis obligé de mettre mute sur C'est fou, mais bon. Hein, écoute, c'est une chose à fois. C'est une pause, une mauvaise pause. Ouais, c'est ça. Passage obligé. On t'a compté le reste de l'année que tu nous écoutes. Oui, oui, oui. Ça, ouais, oui. Dans mon char, c'est 89.1. Tout le temps. Yes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais oui, Commission Charbonneau, c'est commencé depuis lundi dernier. C'est sûr, la première semaine, c'est plate. Ben, c'est plate. C'est intéressant, mais c'est lourd. Parce t'as pas de scoop, vraiment. Non. Ça, là, on a juste des appréhensions. Là, c'est les noms qui est des témoins qui vont venir témoigner qui sortent. C'est aussi la manière que ça se fait. Là, cette semaine, on a eu le secrétaire de la commission qui est venu expliquer ce qu'est la commission, comment ça va marcher, quelles sont les règles. Hey, c'était long. Ouais, c'est long. Hey, pendant une journée de temps, là, ouais. je ronflinais. Hein? Je ronflais pas, je ronflinais devant mon écran. C'est intéressant pour ceux qui sont qui aiment les structures, qui aiment le juridique, mais c'était lourd. Ensuite, il y a eu l'italienne qui fait un post-doctorat sur la mafia italienne. Très intéressant, mais Bon, moi, je suis pas bilingue, donc je suis obligé de l'écouter en français, traduit en français par un gars qui a une voix très lourde. C'était, encore une fois... Avec un petit délai, tu sais. Ils ont le don pour trouver les personnes pour doubler. Hein, ah, ouais. C'est bon. Mais c'était intéressant quand même, mais encore une fois, c'est très, très lourd. C'est comme écouter un film en sous-titres. C'est... Voilà. Il faut que tu te concentres. Tu te concentres. Mais là, dans les prochains jours, semaines, ça va être bien. Ça. Et là, je sais que tu nous avais parlé que Donnie Brasco, en fait, était supposé passer. Est-ce qu'il a passé? Pas encore. Il a été annoncé parce que c'est Radio-Can qui a mis la main sur ce scoop-là, alors que le commissaire Charbonneau voulait cacher ça parce qu'elle a une pré-enquête à faire avant. Donc, elle s'est dit, on va le faire passer. Oui, on va l'appeler pour qu'il nous explique ce qu'est la mafia en Amérique. Là, on a eu cette semaine la dame dont j'oublie son nom qui venait expliquer ce qu'est la mafia en général, donc la naissance de la mafia italienne, son infiltration dans l'économie légale, puisqu'une économie illégale aussi, c'est ce qui nous intéresse, l'économie légale. Bon, tout le monde a le droit de faire du commerce, mais illégal, c'est les pots de vin, les enveloppes brunes, les financements d'entreprises. Oui, des partis politiques aussi, donc tout ça. Là, elle est venue nous expliquer comment la mafia fait pour s'infiltrer dans la mafia, dans l'économie légale et illégale. Mais illégale, c'est pas son domaine d'expertise, ça va être les commissaires avec les juges, les policiers qui vont tenter de démystifier, de hiérarchiser le tout au Québec. C'est ça, parce que, écoute, bref, mettons, quand on y pense, on trouve ça relativement simple, tu sais, de la façon, écoute, on comprend un peu comment ça fonctionne. Par exemple, c'est vraiment d'identifier ça, de mettre ça sur table, la hiérarchie, ouais. La structure plus ou moins légale là, de la façon d'être. C'est ça qui est vraiment plus compliqué, là. Exactement, parce qu'on n'a pas de preuves, ils n'ont pas de rapport d'impôt, ils n'ont pas de rapport de TPS à faire, ils n'ont pas de talon de chèque qui traîne dans leur tiroir. Et l'organigramme n'est pas... C'est pas défini. Il n'y a pas un président élu avec des sous-officiers et compagnie. Non. C'est vraiment souterrain. C'est pour ça que c'est l'économie illégale, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, comment démystifier tout ça? Ça va être des policiers, des anciens agents de la GRC, de l'ASQ, des policiers actifs, des perquisitions dans les bureaux. On sait que Trois-Rivières et Shawinigan ont été, pas perquisitionnés, c'est pas le terme, mais ont reçu la visite des commissaires pour dire « on veut avoir vos documents ». Donc, Trois-Rivières, peut-être pas côté illégal, mais peut-être qu'il y a de la « mafia » entre guillemets légale à Trois-Rivières pour les travaux d'entretien, travaux publics, voiries et compagnie. Peut-être. Là, je m'avance. On ne sait pas encore. On verra. Mais Trois-Rivières, oui, et Shawinigan ont été visés par ça. En fait, c'est plusieurs grandes villes du Québec de plus de 50 000 habitants qui ont été visitées. Donc, Trois-Rivières n'est pas unique, puis il n'y a pas un cas de mafia patin à Trois-Rivières. C'est juste, il veut savoir ce qui se passe dans les grandes villes, savoir si les contrats octroyés dans des compagnies sont faits selon la norme, ou est-ce qu'il pourrait y avoir du dérapage vers l'illégalité. C'est ce que la commission Charbonneau veut savoir. En même temps, écoute, je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en a partout pas mal. Ouais, ben je suis capable du contraire. On peut pas prouver, donc je peux pas dire qu'il y en a. Mais non, c'est ça, mais écoute, ça fonctionne un peu la même façon, un peu partout. On est dans un climat il y a des élus ici. Exactement. Partout où il y a de l'argent et des hommes, il y a de l'hommerie. Hein? On s'entend là-dessus que ça, tout s'achète dans la vie, malheureusement. Bon, ouais. Tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Même donc, François Landry. Combien? Alors, ça peut être relativement cher. Non, c'est bénévole. Je fais ça de bénévolement. Moi, je serais même pas assez calme pour demander de me payer. C'était sa dernière chronique cette semaine. Mais la question qu'on se pose, c'est... OK, là, cette semaine, c'était juste... mon oncle un peu. Le croustillant, ça vient pas. Mais un des avocats de la commission a dit « Attendez-vous à ce qu'il y ait du croustillant. » Et cet avocat-là, c'est Maître Lucier. Là, le croustillant, je le cite, c'est lui qui l'a dit. Et si Maître Lucier le dit, c'est que c'est vrai. Parce que Maître Lucier, vous vous en souvenez, là, écoute, c'est un grand, la commission Gumry. Écoute, il défendait le Parti libéral du Canada. Donc, il sait c'est quoi, comment ça marche, les commissions. Donc, lui, il est sur la commission Charbonneau. Donc, du côté de la commissaire. Okay. Et lui, il y a des preuves devant lui qui dit « Attendez-vous à ouais, c'est ça, lui. Lui, il voit ce qui s'en vient lui, un peu. C'est quoi son rôle à lui, exactement? Est-ce qu'on sait? Ça va être d'interroger les témoins. Okay. Ça va être de... C'est un avocat. Donc, interroger, contre-interroger. Mais du côté de la... Côté de la commission. Parce que la juge, elle peut juste prendre en considération... Elle a la tranche. Mais elle va regarder, elle va écouter, elle peut poser des questions, elle peut demander... Plus de détails. Exemple, à Pauline Marois, tu viens siéger. Ouais, c'est donc, ça. C'est son mandat Jean Charest de dire tu viens siéger ici. C'est la seule juge là-dedans. Donc, et à la toute fin, il va remettre un rapport de recommandation seulement. C'est ce qui est de valeur. Donc, au moins... Mais en même temps, écoute, je pense que ça serait mal vu de ne pas l'appliquer. Écoute... Ça s'est déjà vu. Mais en même temps, écoute, dans le climat où on est présentement... Il y a des recommandations. Écoute, ça ne sera pas 3-4 recommandations. Ça fait 146. C'est sûr. Et là, le gouvernement va dire... Il y en a 38 là-dedans qui sont applicables facilement. Juste à changer une virgule dans les lois ou mettre une règle de plus par-ci par-là, ça se fait. Mais donc, comme exemple, le financement des partis politiques. Est-ce que ça va être la juge à décider quoi faire pour le financement des partis politiques? Non, ça revient à la politique de faire ça. C'est pas au judiciaire d'encadrer ça. Mais encore là, écoute, on a un gouvernement minoritaire. Ça se peut que... Il y a des pressions. Mais justement, là, tu me poses la très bonne question. Puis cette semaine, dans le corridor, tu m'as demandé est-ce qu'il va y avoir vraiment des conséquences à ça? Parce que oui, François, on se croise ailleurs qu'aux toilettes avec Mathieu. Tout le temps, ouais. Ah, vous autres, c'est aux toilettes? Oui. Mathieu et moi, c'est aux toilettes. Et nous autres, c'est dans le corridor. Okay. Donc, on a. J'aime mieux ça dans le corridor, on dirait. Ben, c'est plus intime. Ah! Ça, on parle plus franchement. Ouais. On parle plus en plus de liberté, disons. Non, mais tu me posais la question. Ouais, les conséquences. Les conséquences à ça. Là, on dit gouvernement marois minoritaire, Jean Charest qui a démissionné, donc les conséquences ne seront pas tellement lourdes. Mais juste vous rappeler Gomery. Gomery, c'est un gouvernement minoritaire de Parti libéral. Parti libéral, c'est exact. Paul Martin qui a dit « Moi, je vais en commander une commission d'enquête sur... De ça, là. Les commandites, là. Oui, merci. Les scandales des commandites. En même temps, la pression, on l'oublie un peu. Un peu, ouais, un mais peu la lui, même chose qui s'est passé avec... Oui, mais il s'est dit, moi, je suis neuf là-dedans, je suis propre, je suis sûr que je suis propre, je suis l'ancien ministre des Finances, puis Jean Chrétien, je le déteste. Puis ouais, c'était une guerre. Il dit, moi, j'en ai commandé une, puis tu vas voir que la gang à Chrétien va quitter. Mais les gens, la population et tout le monde a dit... Non, c'est pas Jean Chrétien et sa clique, c'est le Parti libéral du Canada. Non, mais c'est ça. Ils s'en sont débarrassés en 2006 assez rapidement, merci. Exactement. Et puis... là, on est en 2012 et le Parti libéral du Canada bat de l'aile. Ah, c'est ça. C'est juste. C'est jamais revenu vraiment. Sa pierre tombale est achetée. Elle n'est pas encore gravée, mais elle est achetée. Donc, c'est pour dire que oui, Gomery a eu un gros poids là-dedans, mais le Parti libéral ne s'est pas aidé non plus en élisant Ignatieff et en élisant, le prochain qui serait peut-être Justin. C'est ça, justement. Écoute, on n'entend plus parler du tout, du tout. Ouais, c'est peut-être mieux demain. J'en reviendrai un jour pour la course à la chefferie. Parfait. Parce que là, Justin Trudeau commence à s'énerver un peu. Denis Coderre a toujours des rumeurs. Denis. On veut Denis. Non, écoute, s'il vous plaît. Mon ami Facebook me l'a confirmé, il sera pas là. Oh. Ben, écoute, tu lui demandes à Denis puis il te répond. T'sais, faut non, juste savoir pourquoi? Quand même. La mairie à Montréal? La mairie à Montréal. Ouais. Le 9 novembre prochain, il l'annonce. Ah oh, ouais, t'es sûr? Ouais. OK. Hey, on fait une entrevue avec. J'ai essayé l'autre fois, mais il n'y avait pas le temps. Quand il est venu à Chasse-Galerie l'année passée, j'ai dit, c'est fou, j'ai vraiment pas le temps. OK. Bon, désolé, mais oui. Ça serait le fun. On va s'essayer. J'aimerais J'avais demandé s'il voulait s'établir à Trois-Rivières, devenir maire de Trois-Rivières. Oh. Puis il était parti à rire, il dit, je vise un petit peu plus haut. Mes ambitions sont ailleurs, ouais. Bon. Denis Coderre, wow. Fait que oui, comme je disais, qu'est-ce qui est dommageable avec la commission Charbonneau, c'est vraiment la marque libérale, tu sais, le trademark libéral. Là, on va toujours associer libéral, corruption, libéral, enveloppe. Comment dites-tu encore là? Comment dites-tu à Ottawa, au provincial, ça va être mafia, libéral, ça c'est clair. Parlons-en à Jean Chrétien qui aujourd'hui, on l'associe toujours avec ses balles de golf à la commission Gomery, donc il est brûlé. Chrétien, c'était bien défendu, par exemple. Ouais, un avocat. Ouais, c'est ça, exactement. Un des grands avocats du Canada, c'est Jean Chrétien. Faut lui donner son honneur. Il est fort. Ouais, il est pas pire. L'autre conséquence, c'est la chefferie du Parti libéral. Parce qu'ils vont avoir un nouveau chef bientôt. Ça va être qui? On fera un pot là-dessus aussi. Okay. Juste après, c'est Jean. Non, au Québec. Ah ouais, c'est vrai. Québec. Ok, je vais On c'est soit Philippe Couillard, Raymond Bachand ou Fournier là, qui est là par intérim. Fournier par intérim. Lui, c'est certain qu'il retourne à Ottawa un jour. Ça, c'est clair. Ouais. Il avait été recruté par Jean Charest. Il était à Québec. Il est retourné à Ottawa. OK. Puis là, il dit « J'ai re-besoin de toi, donc reviens ici. » Je pense que c'était avant 2010 pour justement le faire. Tout est fidèle à M. Charest. Lui, c'est le goon. Le goon de Jean Charest. Donc, nouveau chef. Mais est-ce que le nouveau chef va avoir le temps de vraiment asseoir son autorité sur son parti avant que la commission Charbonneau commence à faire des dommages? Parce que là... Je pense pas. Non. T'es franc. Oui, c'est... je pense pas parce que c'est l'année prochaine puis la commission Charbonneau, c'est sur 2 ans. Donc, en rentrant en poste, s'il y a des scandales qui éclatent ou des oui-tirs ou des perceptions, lui, il va juste se défendre. Il ne sera jamais d'attaque. Il sera toujours sur la défensive. Donc, comment être en autorité quand t'es peinturé dans le coin? c'est assez difficile. Non, ça va être une période assez difficile pour le Parti libéral, je pense. Oui, oui. Ben, pas juste libéral, j'arrive justement au gouvernement Marois. Parce que aussi, le gouvernement Marois, faut pas oublier que c'est un vieux parti. Et la commission Charbonneau se penche non pas juste sur le Parti libéral, mais aussi sur les mandats auparavant 2003. Donc, c'est des années 90-94 à 2003. Et donc, c'était le Parti québécois. De 2003 à 2002, c'était le Parti libéral. Donc, la commission Charbonneau va remonter jusqu'à là. Et Pauline Marois était en poste à l'époque. Elle était en poste, mais c'est un peu plus facile de dire « Ouais, mais écoute, ça a changé. » Ouais, mais les preuves de corruption, c'est des preuves de corruption. Que tu l'aies fait hier ou que tu l'aies fait il y a 10 ans, t'es corrompu. Mais ça paraît moins pire. Moins pire, sauf que si on sait que, exemple, là, je fais juste un gros exemple, Pauline Marois, première ministre du Québec, et on entend dire qu'elle a déjà donné des enveloppes brunes. Qui dit qu'elle ne le refera pas alors qu'elle est première ministre. Ah, Est-ce qu'on veut avoir une première ministre aux mains entachées? Moi, j'aimerais pas ça. Non. J'espère qu'elle a les mains très, très propres. J'espère. Ça devrait. Manucurer tout. Ben, jusqu'à preuve du contraire, elle les a les mains propres. Mais avec Commission Charbonneau, on ne sait jamais tout ce qu'ils peuvent trouver. Écoute, un paquet de gomme dans un bureau, ils peuvent amener ça comme preuve. Puis ça peut être. C'est fou, là. C'est... Une rencontre. Tout à fait. Ou des anciens agents infiltrés. Il y en a déjà eu des espions au sein même de la députation péquiste. Ça a déjà vu, je pense à Claude Morin, entre autres. Là, on sait son nom. Mais à l'époque de René Lévesque, c'était un espion de la GRC. Donc, ben, un espion. Il était payé, disons, par le gouvernement fédéral pour espionner le cabinet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce que des adjoints, des employés? On ne sait pas. Ça se peut. Ça se peut. Donc, oui, et surtout, il est minoritaire, le gouvernement. Donc, dès qu'il y a un gros scandale qui sort contre Pauline Marois, ça peut faire, hein? Est-ce que la CAQ et le Parti libéral pourraient dire « On déclenche les élections? » Tout dépendant des sondages. Et voilà. Donc, ça dit que tout, hein? Ça met. Oh, tout à fait. Le budget, les sondages, la grogne populaire, on déclenche les élections. Merci, bonsoir. On est débarrassé du gouvernement Marois. Là, c'est le Parti libéral qui va falloir qu'il se débrouille ou la CAQ. CAQ aussi, l'ont dit, c'est un nouveau parti. Attention. Non. La CAQ. Le chef, c'est François Legault. François Legault était ministre et de l'Éducation et par la suite ministre des Finances, sous le gouvernement péquiste qui a été ministre à l'époque où la commission Charbonneau va enquêter aussi. Donc peut-être que François Legault a les mains sales aussi. Ouais, peut-être. Aussi. La commission devra trouver les faits, mais on s'entend que présentement, il y a le Parti libéral, l'opposition officielle, le Parti québécois au pouvoir et la CAQ qui ont peut-être une tâche à leur dossier. C'est ça, ils peuvent pas vraiment... Ils peuvent pas bébé chiole, ils peuvent c'est pas attaquer de front le gouvernement en pas disant que... Sinon, eux autres sortent le miroir. Ouais, exactement, comme dans l'ultimatum, c'est sûr que ça va éclabousser. Dès qu'il y a un scandale qui sort, les trois parties sont éclaboussées. Ça, c'est clair. Parfait. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des grosses pointures prochainement, comme Charest, justement, appelé à... Jusqu'à maintenant, il n'a pas été appelé, mais comme je te dis, c'est sur 2 ans. Là, présentement, c'est juste pour savoir comment ça fonctionne. Okay. Les témoins, il y a déjà eu une pré-enquête. Donc, l'an passé, pendant le printemps érable et tout ça, il y avait une pré-enquête où la juge allait voir des policiers, donc qui leur expliquait un peu le fonctionnement. Exactement. Leur enquête jusqu'à présent. La GRC, il y a eu un petit flou administratif. Est-ce que la SQ peut demander les documents de la GRC? La GRC avait dit non. Donc, il avait été en Cour suprême pour dire oui, on a besoin des documents fédéraux pour le provincial. Donc, un démêlé judiciaire. Finalement, la commission va avoir accès au dossier de la GRC en partie, non pas dans la totalité, mais ce qui concerne le Québec, parce que la mafia, ça n'a pas de frontières. Donc, tout ce qui concerne l'Ontario, la SQ n'aura pas le droit de mettre la main là-dessus, ni la commissaire. Mais par contre, tout ce qui touche au Québec, il pourrait y avoir accès. Et les gros noms, à part Donnie Brasco, qui n'est pas son vrai nom, c'est Johnny Depp, je pense. Il y avait eu un film basé là-dessus. Ouais. Ouais. Un très bon film, je répète, écoutez ça, avec le parrain, là, c'est dans mes tops. C'est Al Pacino, écoute. C'est tout le bail. Pacino! Albert, c'est son vrai nom. Alberto. Albert Pacino, ouais. Albert, ça fait moins sexy, disons. Alberto, ça fait shampoing un peu. Ouais, aussi. Alberto. Mais dans les prochains jours, semaines, nous surveillerons sur le site internet que je vous recommande, c'est EIQ. Est-ce que je l'ai ici? Je ne l'ai pas ici. Tapez Commission Charbonneau sur Google. Et ça, c'est pour l'avoir en direct. Vous pouvez le visionner en direct, vous pouvez voir les documents, les lire. Ah ouais, on a accès aux documents? Oui, les documents sont publics? Oui, monsieur. What? C'est une commission publique. Okay. Oui, c'est ça. OK. Ouais, non, c'est bien. C'est très intéressant. Donc, tous les documents qui sont déposés comme preuve on peut les télécharger par la suite. À moins que ce soit des preuves secrètes ou des ou dire, mais avec clos, je sais les documents. Exactement. Donc tous les documents qui sont remis là, les graphiques, comment ça marche le financement, la mafia dans tel secteur. Là, cette semaine, c'était qui est syndiqué au Québec et combien ça rapporte au Québec, le milieu de la construction. Donc plein de graphiques fort intéressants. Donc on peut télécharger ça et vous pouvez sélectionner dans les menus qui sera là. Vous pouvez réécouter des extraits. Les meilleurs moments. Les meilleurs moments. ceux qui font les samedis soir et qui disent au lieu d'écouter mon grain en reprise, je vais écouter la jeu Charbonneau. T'sais. Fait que, ou Richard Martineau plutôt. Il n'y a pas d'après-match après ça, peut-être ça? Ça serait fun aussi. Un spectacle à mi-temps, mettons. Ça serait bon, ça, Mathieu. Ouais. Tu me donnes des idées. Oui, l'antichambre. Tu sais, à RS, ouais, mais nous on pourrait faire ça. On pourrait commenter en direct. L'antichambrenneau. Comme un jeu de moi avec Charbonneau. Mais raté. Non, c'était bien. Mais c'était bien. Essaye pas. Non, laisse-le faire. Quand il dit que c'est raté. C'est que okay, c'est raté. Okay. Si même moi, je suis capable de voir que c'est raté, c'est j'essaie raté. D'être gentil pour pouvoir revenir la semaine prochaine. Ah, tu peux revenir tout le temps. J'ai pas de contrat ici. Fait que... Tu peux me remplacer si tu veux, dirait François. Ben non. Ouais, pas de là. Pas de là. PS, I love you, man. I love you too. Bon. Malaise. Un peu. Donc, oui, allez sur le site. Vous allez tout voir. Tous les personnes qui vont être appelées à la barre vont y aller. Les avocats, donc des biographies, puis blabla. Tu sais, c'est un beau site, le fun, pour ceux qui s'intéressent. Un soap américain. Ouais, version québécoise. Un genre d'Omerta 2.0. Hein? Wow. Ben, sans Michel Côté, puis les Picard, par contre. Mais... on a au moins Maître Lucier puis la juge Charbonneau. Ça peut faire la job. Mais tout ça pour dire que surveillez ça, les bulletins de nouvelles, on va vous harceler avec ça, mais c'est important juste pour le principe même de la démocratie au Québec, parce que est-ce que ça vous tente de vous faire acheter ou de d'élire un gouvernement qui vous fourre officiellement de par nos impôts ou nos taxes ou officieusement par des enveloppes brunes et des surtaxations? Hein? Non, ben il faut le dire, mais c'est un fait, il faut le dire. Tu as eu une chronique, c'est un fait un matin là-dessus. Oui. Kinky Edition. Hein? C'est ça, donc, c'était vulgaire ça, mais on avertit le monde avant. Ben, moi aussi, je l'avertis. C'était une joke, parce que c'est rien là. Je vous avertis à posteriori. Oui, d'accord. Donc voilà. OK, c'est bien. Donc, c'est ça. Et un petit mot aussi, juste pour terminer rapidement. Hier, c'était le Conseil des ministres. Hey, oui, c'est ce que je m'en ai demandé. Je pense qu'on est fauchés à matin. La Mauricie, en tout cas. La Mauricie est fauchée, ça fallait une de toutes les journées. La Mauricie est furieuse. Hey. Écoute, puis je comprends pas, parce que, en fait, tu en avais parlé un peu dans les chroniques auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noëlla? T'sais, on parlait, c'est une bonne et loyale, et fidèle. Noëlla, en entrevue, elle a dit... Et déçue. Que c'était une très fidèle de Pauline Marois. Je l'ai rencontrée dans le cadre de mon travail à plusieurs reprises. Puis Noëlla, elle était présente. J'adore Noëlla pour la personne qu'elle est. Peut-être pas pour ses idées qu'elle représente, mais pour la personne qu'elle est, c'est une dame c'est une bonne très personne. Charmante, très volubile. Ça, on va lui reconnaître. Extrêmement volubile. Vous lui dites bonjour, vous en avez pour 2 heures de réponse. Oh ça, non. C'est clair. Ceux qui connaissent Noëlla vont partir à rire présentement parce que c'est vrai. Mais Noëlla, c'est une très chic femme qui a toujours défendu corps et âme Pauline Marois. Dès qu'on osait critiquer son gouvernement ou sa chefferie, elle montait au front. C'était la goon féminin du Parti québécois. Écoute, Noëlla adorait Pauline Marois. Mais en entrevue, depuis hier matin, elle lui a parlé à Pauline pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Pourquoi, ouais, c'est ça, exactement. Là, c'est plus une interrogation, je c'est pense. C'est ça. Mais une interrogation qui aurait des conséquences politiques à très brève échéance. Ben, on parle d'une retraite, peut-être, ou... Noëlla, il a songé. Elle dit, je suis extrêmement déçu. Sincèrement, écoute. Ça fait depuis 2002 qu'elle est dans ces eaux-là, qu'elle est députée de Champlain. Et depuis 2002, t'attends ce moment-là, c'est comme le summum. Surtout, OK, c'est une femme. Habituellement, on va chercher une parité ou une quasi-parité. On essaie du moins. Mais là, avec le nombre de femmes élues au Parti québécois, c'est très difficile. Ça a du 3 pour 1. 3 hommes pour une femme Justement, les femmes donc, qui sont donc, on élues. S'était dit, il y aura donc plus de femmes. Donc, moins que de femmes, plus que de chances qu'elles deviennent députées. Oui, tout à fait. Et là, tout le monde s'était dit, il y a Luc Trudel dans Saint-Maurice, Parti québécois, et Noëlla Champagne dans Champlain. Donc, deux seuls péquistes dans la région. Luc Trudel, c'est un petit nouveau. C'est un vieux de la vieille de la politique, mais c'est un petit nouveau député. Donc, le nommer ministre, ça serait vraiment dire on donne les clés d'un char à un bébé de 2 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, Noëlla, une vétérante, une bagarreuse, une fidèle, et une inconditionnelle. C'est ça, exactement. Et tout le monde se disait Noëlla, elle est quand même âgée. C'est donc, sa chance ou jamais. C'est sa chance ou jamais, effectivement. Et pour la remercier de ses bons services, on pourrait la nommer ministre des aînés. Et c'était la rumeur qui circulait. Et moi-même, j'avais fait un pool. Un pool et t'avais misé là-dessus. Et j'avais misé là-dessus. Et je perds mon pool. À cause de ça. Lamentablement, honnêtement, j'ai juste pu trouver Pauline Marois, chef du parti. Tous les autres, je me suis Fourvoyé. Parce ça commence pareil. Parce que j'avais mis une trentaine de ministères, puis Pauline en a mis 23. Et donc, elle a fusionné des ministères et elle en a séparé d'autres. C'est bien ça ou? Ça dépend lesquels. Parce qu'en économie, honnêtement, là, Nicolas Marceau, tout le monde dit que c'est un économiste, mais c'est un deux de pique, le gars. Et c'est à peine s'il s'est calculé avec une calculatrice. Donc là, il est ministre des Finances. C'est fun. Et il y a plusieurs autres ministères qui se sont rattachés aux finances. Donc, on dit l'équipe économique très faible. On va voir ce qu'on va voir. Mais Raymond Bachand, déjà hier, il riait. Il dit, c'est un rire nerveux. Il dit, je suis inquiet pour les finances du Québec. Et moi-même, quand j'ai vu ça, effectivement, s'il y avait eu Jean-Martin Lassant, qui était demeuré avec le Parti québécois, il aurait été ministre des Finances. Et là, on aurait dit, on est en cadillac. Ouais. Là, avec Jean-Martin Lassant aux finances. Mais bon, il a fait un choix délibéré. On le respecte pour ça. Nicolas Marceau aux finances, ça va être bien fun. Ensuite, pour la Mauricie, Noëlle Champagne, encore là, évacuée totalement. Elle a songé deux minutes hier matin qu'elle a appris la nouvelle parce que la presse l'a sortie avant tout le monde. Avant même que Pauline sache qui est ses ministres, la presse sortait la nouvelle. La presse y a dit. Ah ouais. La presse y a dit qu'elle nomme ses ministres-là, quasiment. T'as pas le choix. Et là, c'était Noëlla oubliée. Là, Noëlla est vraiment furieuse. La Chambre de commerce de Trois-Rivières est furieuse. Le maire de Trois-Rivières est furieux. Daniel Saint-Amand, député de Trois-Rivières, est furieuse. Julie Boulay est furieuse. Moi-même, je suis pas furieux, je suis juste fâché. Tu sais, Noëlla veut pas. D'un, on n'a pas de ministre en Mauricie. On a Bernard Drainville, un gars de la Montérégie qui vient nous chapeauter ici, qui est responsable de la Mauricie. Et qui aura pas le thème. Il sait même pas c'est où Saint-Paulin. C'est okay? Ça. On se cachera pas rien, là. C'est où Saint-Paulin? À côté de chez nous. C'est à 20 minutes de chez nous, c'est à côté de chez nous. Et puis, Noëlla, donc pour la remercier, fidèle, on l'a pas. On n'a pas de ministre en Mauricie. C'est un affront. Mais pourquoi? Je sais pas. On sait pas. Sincèrement, il y a passé quelque chose. C'est les conseillers de Pauline. Sérieusement, en même temps, Pauline. Mais Pauline va devoir répondre de ses actes parce que dans la presse, encore ce matin, dans les journaux, dans le Nouvelliste, et même Noëlla va demander une rencontre avec Pauline pour dire t'as fait une erreur, ma grande. Corrige ça. Là, c'est... Mais tu penses que ça va changer quelque chose? Une petite nouvelle chicane interne. T'sais, on aime ça, chicane au Parti québécois. Ah, puis Dieu sait qu'il y en a. Il va en avoir l'arcane au Parti québécois. Et grâce à Noëlla ou à cause de Noëlla, il va en avoir. Donc, si ses plus fidèles sont déçus, écoute, le tiers des régions au Québec n'ont même pas de ministre. C'est déplorable. C'est bizarre. C'est déplorable. Parce qu'un ministre, oui, c'est bien beau, c'est un ministre, mais quand t'es un ministre, t'as un pied dans le bureau de la chef. Quand t'es simple député, comme Daniel Saint-Amand ici, simple député, on a beau dire Daniel, peux-tu amener ça à Aline Beauchamp, exemple? Le poids dit, est pour. Faut que je prenne un numéro. C'est quasiment ça. Donc, ils ne sont pas dans le cercle fermé. Faut avoir un ministre pour que le dossier avance. Que ce soit un ministre de n'importe quoi, il est dans le bureau, donc dans les réunions hebdomadaires du cabinet. Donc, le cabinet, c'est les proches, les adjoints, plus les ministres, plus l'équipe auto. Et tu les côtoies souvent. Et les backbenchers, comme Daniel Saint-Amand l'est encore, malheureusement, mais elle n'a pas accès à ça. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est aller à l'Assemblée nationale puis elle tape sur le bureau quand c'est le temps. C'est tout. Tandis qu'un ministre a accès au cabinet, parle à la première ministre, parle aux acteurs, parle aux hauts fonctionnaires. Il dit, moi, à Trois-Rivières, j'ai besoin de 100 000 piastres, exemple, pour ça ou tel programme. Ça va se faire. En tout cas, donc, ça sera à suivre, mais on va beaucoup parler de Harkin, nos partis québécois, dans les prochains temps. Puis, Noëlla... Grosse déception. C'est énorme. Vraiment. La Mauricie, énorme. Ouais. Mais ça peut changer. Ça me rassure un peu, mais en même temps... Tout est possible. Au Parti québécois, tout est possible. Ils peuvent quoi rajouter... parce que là, lui donner une fonction ministre sans portefeuille. Ça veut dire qu'elle n'a pas de fonction, mais elle assiste aux réunions du cabinet. Il y en a eu plusieurs. Il y en a encore. Ouais. Puis, ministre sans portefeuille, t'es ministre, mais t'as... T'es ministre de quoi? Ben, sans portefeuille. Donc, t'as pas d'argent titré, mais t'assistes aux réunions du Conseil des ministres. C'est comme étudiant en libre un peu, ça. Ouais, t'as pas de note à la fin. Mais ministre sans portefeuille, tu peux parler à la chef jour après jour. OK. Donc, c'est... moi, j'aimerais être ministre sans portefeuille. Pas de responsabilité, mais j'ai Acadia qui vient avec. Okay. Alors, tu sais, c'est trop demandant. C'est mais ça serait quasiment ça qu'il faudrait demander pour Noëlla. Oui, ministre... qu'elle demande ça pour Noël. Pour Noël. Ça serait un beau cadeau du père Marois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est parce que moi, j'y crois pas. Moi, je suis sûr qu'elle n'a pas passé parce que, tu sais, on n'y croit pas. C'est que les enfants qui croient à ça, Noëlla Champagne, c'est comme la fée des dents. Noëlla Champagne. Oh non, je comprends, j'essaie juste de faire la vie. Non, désolé. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, allez, c'est oui. bien. Merci, François Landry. Merci beaucoup, monsieur Landry. Tu vois ce que j'apporte à la chronique, c'est le fun. Ah, ben, c'est le côté humoristique et révérencieux. Oui, merci. Mettons, voilà. Prends ça comme si c'était vrai. François Landry, jeudi prochain à 8h30 pour notre chronique Léocratie 101. Merci encore. Nous, on va terminer l'émission ici, François. Okay. Le temps file, le temps avance. On va se quitter avec du Neighborhood dans quelques minutes. Avant ça, le temps de vous dire que lundi, à l'émission, on aura... on va commencer, mettons, à 8h, mettons, avec Véronique... Non, ça, c'est dans deux semaines, elle est tour deux semaines, effectivement. 8h30, Alexandra Carignan et sa chronique Arrêt Spectacle, ainsi que sa face cachée de la trifluvie. Lundi, c'est mon lot et des affaires qui pourraient avoir lieu, pourraient ne pas avoir lieu. Non, Mathieu, tu rates le plus important. Ouais. Lundi, toi, moi, iPhone 5. iPhone 5? J'oubliais, c'est demain matin. Okay. Mathieu Plante me prête son iPhone toute la journée. Non. Oh, je t'aime bien, mais non. Hein? Bon. Donc, c'est lundi entre 7h et 9h. Restez à l'écoute pour le Dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, je serai de retour avec Alexandra Carignan pour les Palmarès et Fous, le top 40 de la semaine. Et puis, plus tard en soirée à 19h, 13e étage et à 21h, la nouvelle émission électro-tactile avec Elisa Gauthier. C'est l'émission d'électronique. Passez par cifou.ca pour la programmation complète ainsi que sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Comme je le disais, on se quitte avec The Neighborhood et une nouvelle entrée du Palmarès anglophone, Female Robbery. François, je te dédie... PS I love you. PS I... Non. Je l'aime, Mathieu. Ça s'entend. Ça s'entend. Il me dit tellement souvent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à me demander. Ah, ben qui n'aime pas Mathieu? Honnêtement, là. Mathieu Plante lui-même, probablement. Oh, oh, non? Oh. Si on... Tu t'aimes pas? Bon, est-ce qu'on commence le segment psychologie d'émission? C'est parti. On va faire venir le Doc Mayou aussi. Bon. Sur ce. Hey, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Merci pour les malaises. Sur ma vie. Oh, Mathieu, viens de joindre. Mon iPhone va venir complètement remettre le moral là-dedans, ça va être bon. Hey, bye. Bye. I think I found hell. I think I found something. I think I found something in my TV screen. I think I found out. That I have nothing, that I have nothing in this place for me. I watched it all in my head, perfect sense. Don't take me from my bed. Leave everything that is worth a single cent and just take me instead. That TV show I saw as I fell asleep had me on both my knees, praying to whatever is in heaven, please send me a felon. Don't let the police know anything, anything. Don't tell them anything, anything, please. Anything, anything. Don't tell them anything, anything, please. I think I can tell. I think I can tell them. Tell them they were made for me. I'm thinking they'll know. Know it already. I'm thinking they'll know just about everything. I bet they planned it all out like the shows. Went everywhere I go. Walked in the store right behind me. Stood in line right beside me. And followed me to my home. I'm sure they figured it out early on, that I would never run, that they could shoot, but that's no fun, 'cause then they're killing the stolen son. Oh, anything, anything, don't tell them anything, anything, please. Anything, anything, don't tell them anything, anything, please. Anything, anything, don't tell them anything, anything. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Breaking news. Oh, en stéréo, en plus, on leur fait. OK. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Breaking news. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, là, locuteur, aujourd'hui, ce soir? C'est quoi? Ben, je sais qu'on s'est dit bye tantôt, mais c'est ça, d'autres nouvelles à dire. Le 3h Fun Party, c'est ce soir. Oui, exactement. Tous. Ça a lieu au 10-12 ce soir. 10-12, okay. Ici, juste à côté du bureau de C'est Fou. Et on vient juste d'apprendre que les billets en pré-vente sont tous vendus. Il n'y en a plus. Donc, dernière chance, si vous voulez participer à l'événement, ça se déroule ce soir. Les billets sont disponibles à la porte. Quelques-uns, je pense qu'il n'en reste plus énormément. Donc, arrivez quand même de bonne heure. Et c'est au prix de, vas-y Mathieu, 18$ à la porte. OK, formidable. Oui. Donc, allez-y, c'est ce soir, le Fun Party, jeudi 20 septembre. Et c'est au 10-12 de l'UQTR. Pour plus d'informations, allez sur Facebook et tapez 3R Fun Party. Formidable. Fait que Breaking News is over. Donc, arrivez de bonne heure. C'est ça. Puis là, on se dit bye pour vous. Bye, bye. Bye.